Alors au début, ça devait s'appeler un truc du style pour une politisation de la question animale. Mais notre camarade s'est dit, tiens, on pourrait réintituler ça militer à échelon collectif ou individuel. Oui. Voilà. Mais en fait, ça va parler de la même chose. Oui, ça me semblait plus clair. Ça lui semblait plus clair. Oui. Parce que politique, c'est polysémique. Les gens pensent à la parti, etc. Mais effectivement, ça va traiter de cette question-là. Alors, on aborde ce sujet-là parce qu'on pense vraiment que c'est assez fondamental. La question animale, c'est une question qui concerne un système d'exploitation qui est vraiment un fondement de notre société, qui concerne un nombre incalculable d'êtres sensibles. Qui concerne en fait des centaines ou des milliers de milliards d'êtres sur la surface de la planète, qui est de ce point de vue-là sans doute le problème le plus important, le plus urgent au niveau moral. Et c'est un problème qui est très peu traité, auquel très peu de monde accorde de l'importance. Et même au sein des gens, des personnes pour lesquelles ce problème a de l'importance, on lui accorde souvent pas l'importance qu'il mérite. C'est un problème très particulier dans la mesure où la quasi-totalité des animaux qui sont victimes du système de domination qui a été mis en place sont des animaux qui servent de nourriture. Parmi lesquels, l'ensemble des animaux qui sont victimes d'exploitation, victimes de pratiques qui lèsent leurs intérêts fondamentaux, l'immense majorité, mais vraiment l'immense majorité, sont des poissons. Il doit y avoir 95% ou entre 95 et 99% des animaux victimes qui sont tout bêtement les poissons qui sont pêchés ou qui sont élevés pour servir de nourriture, soit qui servent de ce qu'on appelle de poissons fourrage pour nourrir d'autres animaux, soit qui servent directement de nourriture pour nous, ou qui servent de matière première, c'est-à-dire soit à faire de l'huile, soit à faire indirectement des produits comme des bougies, je ne sais pas quoi, de la paraffine. Tous les morceaux servent à quelque chose in fine. Ouais, tout est utilisé. Mais à l'échelle de la planète, chaque année, on estime qu'il y a environ 1000 milliards de poissons qui sont pêchés. 1000 milliards. Qui sont pêchés ou qui sont produits, je crois, dans les élevages. Mais les poissons qui sont produits dans les élevages sont nourris à partir de poissons fourrage, qui sont des plus petits poissons. Et on estime, par ailleurs, qu'il y a environ 60 milliards d'animaux vertébrés terrestres qui sont tués dans les abattoirs à l'échelle mondiale, c'est-à-dire 10 fois la population humaine mondiale. Donc ça, chaque année. Si on compare ces chiffres au reste des chiffres de l'exploitation animale, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, qu'il s'agisse des animaux qui sont victimes de jeux publics ou des animaux qui sont victimes de l'expérimentation animale, etc., c'est des chiffres qui sont... il y a, pour un animal qui est victime d'autres types de pratiques d'exploitation, il y a une centaine d'animaux vertébrés terrestres qui sont victimes de l'exploitation pour la nourriture, et il y a un millier de poissons qui sont victimes d'exploitation pour la nourriture. C'est-à-dire que le problème de l'exploitation pour la nourriture, c'est le problème fondamental au niveau du nombre d'animaux concernés et aussi d'une certaine façon au niveau des conditions monstrueuses de vie qui leur sont réservées ou de mort. C'est le problème fondamental de l'exploitation animale. Mais les animaux sont exploités pour la nourriture. C'est-à-dire que tout le reste, ça représente de la nourriture. Non, mais oui, moi j'avais à peu près cette estimation-là aussi. Mais... Les animaux exploités par l'homme, c'est pour la nourriture. Et tout le reste, c'est pour la nourriture. Ouais. Je crois que c'est 80, on peut compter 95% au moins de poissons, plus 4,8% d'animaux vertébrés terrestres qui passent dans les abattoirs. Et ça, c'est sans compter, parce qu'on ne sait pas comment les comptabiliser, mais les grenouilles qui vont être coupées en deux pour qu'on mange les pâtes, les escargots qui vont être mis dans du sel à dégorger, etc. quoi. Il y a eu un décompte qui a été fait. En fait, les chiffres sont très récents parce que pendant nous, en France, on s'est demandé pendant longtemps comment compter, on n'y arrivait pas. C'est une organisation qui s'appelle Fish Count qui a rendu un rapport qui s'appelle, je crois, Le pire a lieu en mer, qui est une organisation, ce qu'on pourrait appeler welfareist, enfin que dans les pays anglo-saxons on appelle welfareist, qui lutte pour une amélioration des conditions de pêche pour que, par exemple, il y ait des. Que les poissons soient étourdis avant d'être tués ou des choses comme ça, mais qui s'est livré un travail extrêmement sérieux sur la pêche, à la fois de comptage, et ils expliquent comment ils ont compté, etc., et à la fois de travail sur les méthodes de pêche, qu'elles signifient pour les poissons, et les méthodes de meurtre employées pour les poissons. Il y a deux articles qui ont été publiés dans le numéro 34 des cahiers, donc il y a un an, même pas. Qui ont été traduits en français et qui sont donc disponibles sur le web. Donc pour en venir à ce que je disais, c'est donc là je parlais vraiment du fait que les poissons élevés pour servir de nourriture constituent l'immense majorité des poissons qui sont victimes de la domination humaine. Il y a aussi parmi ceux-ci les poissons qui sont utilisés pour produire ce qu'on appelle des sous-produits. Ça va être des laitages, des œufs, ça peut être aussi dans certains cas des élevages spécifiques pour du cuir ou des formes de gélatine, etc. Mais c'est pareil qu'ils représentent qui représentent énormément d'animaux en termes d'individus, en nombre d'individus, mais qui représentent très peu d'animaux en termes de pourcentage. En France, il y a 1,2 milliard d'animaux vertébrés terrestres, donc ça va aussi bien, ça comprend les volailles, les veaux, vaches, cochons, etc., lapins. Il y a 1,2 milliard d'animaux qui sont tués en abattoir et il y a 50 millions de poules pondeuses et quelques dizaines de millions de vaches ou chèvres ou brebis allaitantes. Donc c'est des chiffres énormes mais qui sont relativement faibles comparés à la masse globale, quoi. Voilà, bon ça pour faire vite. Ce qu'il y a, c'est alors ce qui est à noter, c'est que la question de ces animaux qui sont exploités et tués pour fournir leur chair a émergé extrêmement tardivement. La question animale a émergé comme question sociale significative il y a relativement peu de temps, il y a un siècle et demi, deux siècles maximum, mais elle a concerné avant tout les chiens et chats, les animaux de compagnie, puis les animaux qui étaient exploités... Au 19e siècle, il y a eu les chevaux aussi. Les chevaux, ouais. Et puis les animaux qui étaient exploités, à travers des jeux de cirque, enfin comme la corrida, et puis les animaux qui sont victimes de l'expérimentation animale. Mais ça ne fait que quelques décennies, et en France une vingtaine d'années seulement, qu'on se préoccupe de cette immense majorité des animaux qui sont victimes de nos pratiques de consommation alimentaire. Cette question a été une question qui était l'objet d'un tabou extrêmement fort qui commence tout juste à être brisé. C'est un tabou qui prévalait aussi dans les milieux de défense animale. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand j'ai commencé à militer dans les fin des années 80, j'étais jeune à l'époque, et on se faisait envoyer sur les roses par le milieu de défense animale qui nous disait « Chacun mange ce qu'il veut, nous on se préoccupe des animaux, laissez-nous d'abord tranquilles parce que les gens eux-mêmes mangeaient de la viande. » Il y avait une infime minorité de gens au sein de la défense animale qui étaient végétariens et c'était des gens qui se taisaient, qui n'en parlaient pas, qui n'osaient pas en parler. Là je parle de la situation en France, qui était particulièrement retardataire par rapport par exemple aux pays anglo-saxons, c'était sans doute la situation dans les pays anglo-saxons une décennie ou deux décennies avant, quoi. Il y avait donc un tabou très fort, et au sein de la population aussi, c'était quasiment impossible à remettre en question la question de la consommation de chair animale. On se heurtait à, ce qui est toujours le cas, mais ça a quand même baissé en intensité, à une répression sociale, à une pression sociale visant à nous faire taire, ou à délégitimer ce qu'on pouvait avoir à dire, ou à en le ridiculisant, ce qu'on a appelé plus tard la végéphobie, qui faisait qu'en fait, quand on était végétarien, on avait intérêt à passer un peu inaperçu, à pas trop clamer trop fort quand on était végétarien pour les animaux, parce que pour d'autres raisons, on pouvait un peu plus les fermer, et que c'était impossible d'avoir une parole audible socialement sur cette question-là. Donc ça, c'est en train de changer. Plus ou moins vite, et il y a encore plein de gens qui s'en prennent plein la gueule, qui n'osent pas dire qu'ils sont végétariens pour les animaux, qui se sentent complètement isolés, etc. Enfin bon, là, c'est en train de changer. Par contre, il reste un problème qui est spécifiquement le problème qu'on souhaite aborder là maintenant, qui est le fait qu'on a énormément de difficultés au sein de ce qu'on pourrait appeler le milieu animaliste à aborder la question de la viande. Et ben le alors en quoi je vois que ça change? D'abord la pression sociale qui vise à nous faire taire ou à rendre inaudible ce qu'on pourrait avoir à dire en le ridiculisant ou en nous délégitimant, en nous traitant, en parlant de sensiblerie, enfin en posant que notre discours serait un discours qui ne serait pas rationnel, qui ne serait pas qui serait farfelu. Ce discours-là, il est en perte de vitesse. Alors, ça se voit dans la réception au niveau médiatique. Il y a de plus en plus d'articles sérieux sur ce qu'on peut avoir à dire. Ça se voit aussi au niveau des discussions qu'on peut lier. Je trouve, avant, il y a 20 ans, c'était systématique. Si on ouvrait la bouche sur ce sujet-là, c'était perçu comme une agression. Et on se prenait toute une batterie d'arguments répressifs, et pas que des arguments, mais des ridicules, etc. Des moqueries. Alors que maintenant, c'est quand même plus fréquent que les gens soient intéressés. Demande en soit réellement intéressé, c'est-à-dire pose des questions, etc. C'est-à-dire qu'il y a une ouverture. Et moi, je me rappelle par exemple d'un restaurateur qui tenait un restaurant végétarien à Paris dans les années 80, qui disait qu'il y avait des gens qui crachaient sur sa vitrine en passant. Bon, mais ça n'existe plus. Ou c'est extrêmement anecdotique. Ouais. Oui, le discours est repris de façon beaucoup plus massive. Le discours par rapport au végétarisme, par rapport aux animaux. Donc à ce niveau-là, ça a changé. Par contre, ce que je voulais dire, c'est qu'au sein même du mouvement animaliste, on peine énormément à concevoir le militantisme sur cette question à un échelon collectif et non pas individuel. Ce que moi, j'appellerais à concevoir le militantisme d'une façon politique. Pour prendre qu'un exemple, là, par rapport à la question qui n'a émergé que très récemment, la revendication qui n'a émergé que très récemment d'abolition de la viande, qui donc est une revendication qui effectivement s'adresse à l'ensemble de la société, c'est-à-dire à l'échelon collectif et pas seulement à l'échelle individuelle, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas uniquement de demander aux gens de devenir végétariens, mais il s'agit vraiment de demander à l'ensemble de la société de prendre des mesures qui s'appliquent à tout le monde, etc., donc à l'échelon collectif. Cette revendication, elle est extrêmement récente, et elle correspond pourtant simplement au décalque de ce qui existe dans les autres domaines du militantisme animaliste. Voilà, et du militantisme en général. C'est-à-dire, par exemple, les gens qui s'opposent à la corrida ne font pas que demander à la population de cesser de fréquenter les arènes, ils demandent l'abolition de la corrida, c'est-à-dire l'interdiction des spectacles de corrida. Les gens qui s'opposent à la fourrure ne font pas que suivre les gens dans la rue en les dénonçant ou en jetant de l'encre sur les manteaux de fourrure. Ils demandent aussi à ce qu'il y ait des lois qui interdisent les élevages pour la fourrure et qui interdisent la vente de vêtements de fourrure. Les gens qui s'opposent à l'expérimentation animale ne font pas que conseiller à la population d'acheter des produits non testés sur les animaux, ils demandent à ce qu'il y ait des lois qui soient passées, qui interdisent les tests sur les animaux, etc. etc. C'est-à-dire dans tous ces domaines-là, on a une politique suivie au sein du milieu militant animaliste, qui est une stratégie qui vise à agir à un échelon collectif et non seulement individuel. Et bien, ça n'est que depuis quelques années, très peu d'années, puisque la revendication d'abolition de la viande, par exemple, elle date simplement de 2005, qu'une telle revendication a émergé d'une façon explicite. Donc il y a quelque chose de très particulier qui se joue sur cette question de la viande. Là, quand je parle de la viande, je parle de la consommation de chair animale et puis même de sous-produits animaux comme les laitages ou comme les œufs, qui fait qu'on a, on a du mal à aborder cette question-là sous un angle d'action collective. Voilà. Je cède la parole à Pierre. Voilà. Alors bon, dans un premier temps, je vais réfléchir aux différentes méthodes de mobilisation, proposer une grille d'analyse, et ensuite je l'appliquerai au cas de l'élevage et de la pêche. Alors la mobilisation morale. Alors vous savez que en éthique, il y a plusieurs branches. La méta-éthique, c'est réfléchir au concept. Vous avez l'éthique normative qui cherche à savoir ce qui est bien et mal. Ou l'éthique appliquée sur des cas concrets. Mais il y aurait aussi un domaine à explorer, ce serait la mobilisation morale. C'est-à-dire comment, face à un fléau, une fois qu'on a identifié un fléau, comment mobiliser les agents moraux pour y porter remède. Bon, et là, je vois deux méthodes possibles. Il y a soit l'exigence de justice, soit l'appel à la vertu. Alors, l'exigence de justice, c'est une approche fondamentalement politique qui vise à changer, à modifier, alors à l'échelon collectif, les institutions, les lois, la culture commune. Bon, par exemple, contre la pauvreté, l'exigence de justice, ce serait de demander un salaire minimum, la sécurité sociale. Etc. C'est-à-dire des actions qui concernent l'ensemble de la collectivité, quoi. Voilà. Qui sont prises par la collectivité, voilà, et qui s'appliquent. Des lois, des institutions qu'on appelle État-providence. Bon, alors par contre, l'appel à la vertu est apolitique. Par exemple, je reprends mon exemple sur la pauvreté, ça consiste à demander aux gens qui ont de l'argent à faire la charité à ceux qui n'en ont pas, aux particuliers qui ont quelques sous, d'ouvrir une soupe populaire, ou même aux pauvres de ne pas trop dépenser ou de renoncer à leurs désirs matériels. Et ça s'adresse, oui, là encore, on demande aux gens d'agir vertueusement pour résoudre le problème. Alors bon, vous avez compris que l'exigence de justice se fait à l'échelle collective. Il s'adresse aux citoyens. Quand on demande, par exemple, l'instauration d'un salaire minimum et qu'on parle à des gens, c'est aux citoyens à qui on s'adresse. Par contre, l'appel à la vertu, ça s'adresse aux personnes privées. Par exemple, des consommateurs, on leur dit qu'il faut acheter du café équitable, etc. Ou aux donateurs, les croyants. Alors, comme signe de l'apolitisme de l'éthique de la vertu, il peut se faire en dictature. Alors que pour l'exigence de justice, il faut un minimum de démocratie si on ne veut pas se retrouver en prison. Alors en fait, ces deux approches partent d'une analyse différente de la cause du mal, mais qui ne sont pas exclusives. Alors l'exigence de justice, le problème provient d'un défaut des institutions. Les lois sont mal faites, il y a une idéologie qui n'est pas bonne, etc. Donc pour y porter remède, il faut changer la loi, modifier telle institution, mettre en place des incitations financières, par exemple sur les problèmes écologiques. On va mettre une taxe carbone pour modifier le comportement des gens. Alors que pour les tenants de l'appel à la vertu, le problème vient d'une défaillance morale des gens. Un manque de compassion, de trop de cupidité, des passions trop violentes, etc. Ou un manque d'instruction morale. Donc, c'est ce qu'on appelle le vice. Voilà, et donc pour y porter remède, on doit s'adresser aux individus, leur faire la morale, ou leur apprendre à méditer pour calmer leurs passions violentes, etc. Pour stimuler leur vertu. Alors bon, les tenants de l'exigence de justice, ils ne nient pas du tout le rôle des comportements individuels, mais ils pensent que c'est plus efficace d'agir sur leur cause sociale que sur leur cause personnelle. Donc, pour prendre l'exemple des œufs en batterie, ce serait plus facile qu'il n'y en ait plus dans les magasins plutôt que les gens aient la vertu nécessaire pour choisir à chaque fois d'acheter des œufs en plein air ou même de ne pas en acheter du tout. Voilà, alors je trouve que l'appel à la vertu a un certain nombre de sous-entendus qui me paraissent néfastes. Le premier, c'est que on se fonde sur une éthique de la vertu. Alors l'éthique de la vertu, c'est une éthique qui n'est pas universaliste, dont le but c'est de son amélioration personnelle, de devenir une personne meilleure avec des bons sentiments, de la bonté, de la générosité, etc. Donc c'est une morale privée de réalisation de soi. Alors que pour les universalistes, une chose est bien ou mal indépendamment de ce que pense ce qu'il fait. Alors l'éthique de la vertu est toujours un petit peu élitiste, hein, parce que depuis le début, Aristote l'a réservé aux citoyens, les seuls qui peuvent réfléchir, etc. Voilà, le perfectionnisme de Nietzsche aussi, c'est pareil, c'est une élite, le surhomme qui est capable d'atteindre cette perfection et pas la populace, ce qu'il appelle les faibles. Alors bien sûr, tout appel à la vertu ne découle pas d'une éthique de la vertu. Il y a des tas d'ONG, par exemple, qui demandent à des donateurs d'apporter de l'argent au nom des droits de l'homme, qui est une éthique universaliste. Par contre, quiconque se fonde sur l'éthique de la vertu ne peut que en appeler à la vertu. On ne va pas dire qu'il faut interdire la méchanceté, ça n'a pas de sens. Oh. Même à la limite, c'est quelqu'un qui est motivé par une éthique de la vertu, pour lui, c'est mieux que le monde soit dégueulasse. Par exemple, un vegan doit faire preuve de plus de vertu, avoir plus de force morale dans un monde spéciste que s'il n'y a pas de viande dans les magasins. Là, il n'y a aucun effort à faire. Il se valorise plus dans un monde spéciste. Donc, un courant idéologique qui n'utiliserait que l'appel à la vertu donnerait l'impression de procéder d'une éthique de la vertu. Alors surtout si les comportements qu'on propose, ça apparaît comme une ascèse, des listes d'interdits alimentaires, alors là ça évoque la religion. Voilà, donc il n'y a pas de mouvement collectif qui se réclame comme ça de l'éthique de la vertu. Il y a un exemple, c'est la Ligue de la Vertu. Ça s'appelait comme ça aux États-Unis en 1933. C'était des catholiques américains qui, en fait, ils regardaient les films et ils disaient lesquels sont licites et illicites pour les bons chrétiens. Parce qu'il y en avait qui risquaient de pervertir la jeunesse. Donc, mais là, ça s'adressait aux consommateurs, aux gens qui vont dans les salles de cinéma. Et ça se fondait explicitement sur une éthique de la vertu, de l'éthique chrétienne. Alors, deuxième point, le côté surérogatoire des actes qu'on demande. Alors, en fait, l'exigence de justice... Oui, je vais définir les actes surérogatoires. En fait, c'est quelque chose qui va au-delà de nos obligations morales, qui est bien, mais qui va au-delà de nos obligations morales. Alors que l'exigence de justice ne formule que des obligations, par définition. Par exemple, il faut abolir la viande, il faut abolir le meurtre des animaux, il faut mettre un terme à l'élevage des poules en cage, etc. Bon, alors que, en général, pas toujours, mais la plupart du temps, l'appel à la vertu est surérogatoire. Bon, par exemple, donner de l'argent aux bonnes œuvres, ou acheter des produits commerce équitable ou biologique, de l'agriculture biologique, c'est considéré comme une bonne chose, mais pas une obligation morale. On n'est pas un salaud si on achète du café ordinaire. Voilà. Donc surérogatoire, voilà. Ça veut dire qu'il n'est pas... Qui est bon, mais au-delà des obligations. Voilà. Et d'ailleurs, c'est logique, hein, parce que si quelque chose est vraiment condamnable, criminel, il faut vouloir l'interdire. Alors si on donne juste des recommandations, vous devriez réfléchir à, par exemple, je sais pas quoi, devenir végétarien. C'est qu'on pense peut-être que c'est pas légitime d'interdire la pratique en question, ou qu'on pense que c'est pas possible. Alors c'est mon troisième point, une utopie inaccessible. Souvent, ceux qui en appellent à la vertu, et sans du tout demander de changements sociaux, le font. Alors pour ceux qui sont universalistes, hein, bien sûr, ils pensent que ces changements sont impossibles, que c'est pas faisable ou que c'est pas à la portée des pauvres mortels. Alors ça peut être soit parce qu'on pense que la réforme politique est impossible, alors c'est le cas dans un régime autoritaire, comme je l'ai dit. Alors c'était le cas en Grèce antique, hein. Dans l'Athènes classique, qui était une démocratie, tous les philosophes ont réfléchi à la... Ils ont une approche politique, une pensée politique, ils ont imaginé des cités idéales, quels sont les mérites et les démérites de la constitution athénienne, spartiate. Ils proposaient des réformes politiques pour améliorer la cité. Par contre, à l'époque hellénistique, donc après, les royaumes grecs après les conquêtes d'Alexandre, il n'y a plus de démocratie, il y avait un roi despotique, on ne pouvait plus espérer de changement au niveau politique. Et donc les philosophes se sont rabattus sur les morales privées, le cynisme, l'épicurisme, le stoïcisme. Et on peut aussi, on peut aussi penser que la nature humaine est mauvaise et irréformable. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas espérer une amélioration du monde à l'échelle globale. Alors ça, c'est souvent les points de vue religieux, par exemple. Typiquement la morale chrétienne. Qui pense que on est marqué par le péché originel, donc on est que le mal est inhérent à la nature humaine, qu'il est mérité d'une certaine façon, donc ça nous permet d'expier nos péchés, de souffrir. Donc ce serait un peu absurde dans une optique chrétienne de supprimer complètement la souffrance. Et on s'en fiche un peu des conséquences des actions dans la morale chrétienne, puisque c'est en dernier lieu, c'est Dieu qui décide. Et le but principal de l'éthique dans le christianisme, c'est d'être une bonne personne pour au paradis avoir ne plus avoir trop de péchés, ou de les avoir compensés par des bons sentiments. Bon, il y a aussi le cas de la morale hindouiste qui est de ce même type. Parce que là, les gens qui sont pauvres, qui sont intouchables, c'est parce qu'ils ont péché dans une vie antérieure. C'est des morales du salut individuel. Voilà. Alors ça peut être aussi qu'on pense que les autres opinions sont légitimes. Si on utilise l'appel à la vertu exclusivement, on sous-entend que les choses qu'on critique sont quand même légitimes, même si on les trouve immorales. Parce que tout ce qui est immoral n'est pas forcément illégitime. Par exemple, dans le domaine politique, politicien... On peut être pas d'accord avec un parti, un bord, avec la droite, la gauche, penser que c'est pas bien ce qu'ils font au pouvoir, que c'est nuisible, que c'est mauvais pour des gens, et pourtant ne pas vouloir interdire les partis qu'on n'aime pas et instaurer un parti unique. Voilà. Et on peut aussi renoncer à l'exigence de justice par relativisme moral, en disant que bon, bah, pour moi, à mon avis, c'est pas bien de manger de la viande, mais chacun son avis, au fond. Voilà, dernier point important, c'est que, en fait, un discours active nos intuitions morales. Donc, c'est pas la peine d'être... On peut ne pas être explicitement pour l'éthique de... Ne dire explicitement qu'on est pour l'éthique de la vertu, pour que l'auditeur pense dans ce cadre. Parce qu'évidemment, si on en appelle à la vertu, ça active ses intuitions morales. L'éthique fonctionne beaucoup à l'intuition. Il y a des travaux de psychologie cognitive. Ce que tu veux dire là, c'est que si on utilise l'appel à la vertu, que les gens vont penser qu'on se situe dans le cadre... Et eux vont penser dans le cadre... D'une morale de la vertu. Oui, et eux, ils vont penser dans le cadre... Alors c'est pour ça, dans le cas du végétarisme, si on dit qu'il faut être végétarien, les gens vont tout de suite penser religion, prohibition de l'alcool par les ligues de la vertu. Même si on a dit c'est pas bien, c'est mal de manger des animaux, de les tuer. Donc toutes ces intuitions proviennent de notre histoire évolutive. Parce qu'évidemment, à l'époque où on vivait en petit... En fait, pour tout animal social, c'est intéressant d'évaluer les vertus et les vices des gens pour savoir si c'est bien de si c'est ce sera profitable de coopérer avec lui. Quelqu'un qui n'est pas fiable, un filou, on va l'éviter. Quelqu'un qui est très honnête, ce sera plus intéressant de travailler avec lui. Voilà, donc ça explique pourquoi on a des intuitions éthiques de la vertu, mais ça peut nous induire en erreur. Alors, la stratégie végétariste actuelle. Alors, quand je parle de stratégie végétariste, je parle bien sûr pas du tout du fait d'être végétarien ou vegan, ce qui est très bien. Je parle de la stratégie qui consiste à en appeler à la vertu des consommateurs pour qu'ils adoptent un mode de consommation éthique. Ne pas acheter de la viande, ne pas acheter de laitage, etc. Alors, il me semble que c'est une stratégie fondée sur l'appel à la vertu, ça, vous l'avez un petit peu deviné. Alors, puisque évidemment, on parle même d'éducation végane. L'éducation, par définition, ce n'est pas une exigence de justice, c'est changer les gens, leur apporter des connaissances, etc. Donc, on s'adresse à la personne privée. Alors bien sûr, les végétariens, les véganes, etc., la plupart du temps sont inspirés par une éthique universaliste. C'est pas du tout. Mais simplement, ils emploient des méthodes d'appel à la vertu qui ne sont pas congruents avec leur morale. Si, normalement, pour moi, quelqu'un qui est universaliste doit aboutir à une exigence de justice. Si ce n'est pas bien partout, en tout lieu et en tout temps de tuer les animaux sans nécessité, il faut que ça s'arrête. Alors, pour preuve de cela, c'est certaines objections qu'on nous envoie qui n'ont de sens que face à un appel à la vertu. Par exemple, personne n'est parfait. Ça n'a aucun sens, on va pas dire, à quelqu'un qui dit faut arrêter l'élevage en batterie, etc. Ça n'a de sens que dans une éthique de la vertu où chacun fait sa BA. Alors, il y en a qui donnent un chèque aux bonnes œuvres, qui vont servir la soupe au resto du cœur, et puis il y en a qui sont végétariens. Alors, voilà une citation de la fondatrice de NeoPlanète, qui présente ainsi son végétarisme. Elle dit « La souffrance m'est insupportable. Le végétarisme est ma manière de dire non. On est ce que l'on mange. Et la spiritualité, religieuse ou laïque, commence dans l'assiette. Mon mari, mes enfants, mes amis mangent de la viande et je n'ai jamais tenté de les convaincre, car c'est une décision personnelle, une abnégation que tous ne peuvent accepter. » Ah oui, une grande objection, c'est « Mais moi, je suis un type bien, j'ai des qualités par ailleurs. » Ou bien « Je ne suis pas trop méchant. » Ça, c'est « J'en mange pas beaucoup. » Là, je vais vous citer l'Elfe, l'auteur du blog « Les questions qu'on pose », qui écrit « Combien m'ont rebattu les oreilles avec leur bonté, leur gentillesse, leur non-méchanceté, leur amour des animaux ou leur comportement responsable, sans jamais se douter à quel point je m'en badigeonne le nombril avec le pinceau de l'indifférence. Toutes leurs démonstrations me suggèrent, c'est que je trouve dommage qu'ils se sentent jugés par mon comportement, ce qui est à des années-lumière de mon objectif. » Alors bien sûr, ce n'est pas son objectif, mais c'est ce que comprennent les gens du beau vegan. Comme ils raisonnent en termes d'appel à la vertu, ils comprennent, toi t'es vicieux. Et du coup, ils se défendent en disant, non. Alors, il y a toutes les remarques sur la religion, le véganisme, c'est une sorte de religion, les végétariens, ils sont dans une secte. Alors, ça, c'est dû bien sûr au parallèle entre l'appel à la vertu de végétariste et l'appel à la vertu des religions. Et comme je vous l'ai dit, les interdits alimentaires. Ça ressemble un peu. Par exemple, voici ce que dit un promoteur du véganisme. Être végétalien, c'est non seulement ne consommer aucune chair animale, donc ne manger ni viande rouge, ni viande blanche, ni poisson, mais aussi aucun produit dérivé des animaux. Les végétaliens ne mangent ni lait, ni œufs, mais aussi les produits dérivés du lait et des œufs. Par conséquent, les végétaliens ne mangent pas de fromage. En résumé, les végétaliens ne mangent aucune chair animale, les végétaliens, aucun produit d'origine animale. Et là, je vous ai un petit résumé des règles alimentaires juives. Un juif pratiquant ne consomme aucun produit qui ne soit pas cachère, c'est-à-dire aucun produit qui n'ait pas reçu le cachet officiel des autorités religieuses. être juif, c'est ne consommer que des mammifères ayant les sabots fourchus. Donc pas de porc, ni charcuterie à base de porc, pas de lapin, pas de chameau, etc. Les oiseaux sont permis, à l'exception de 24 espèces impures. Ne sont permis que les animaux aquatiques ayant des écailles et des nageoires. Un juif ne consomme donc pas de crustacés, coquillages et autres fruits de mer. Les autres animaux sont interdits. Les produits de la terre sont permis, sauf les fruits d'un arbre de moins de 3 ans. Et autoriser le lait des animaux purs, mais un juif ne mélange pas les laitages et la viande au cours d'un même repas. Alors j'ai fait mon résumé de manière à me calquer sur le discours précédent, mais le parallèle est quand même un peu frappant. De réduire le véganisme à des interdits alimentaires. Alors il y a les véganes se croient supérieurs aux carnivores. Ah, tu crois que tu es meilleur que moi, etc. Ça n'a de sens que face à un appel à la vertu. Il y a les végétariens, ils ont une mauvaise mine, ils ont l'air tristounets, comme si c'était du perfectionnisme, un mode de développement personnel. Et puis chacun son opinion, ça c'est un grand classique qui suppose qu'on est un peu relativiste. Et en témoigne aussi la façon dont les végétaristes eux-mêmes présentent le végétarisme comme un mode de vie. Ça c'est une expression quand même. Le mode de vie ne relève pas de l'exigence de justice, ni même d'une morale universaliste, et ça dépend de la personnalité de chacun, bien sûr. Chacun peut prendre le mode de vie qu'il veut. Et il procède, alors pour les plus philosophes, d'une éthique de la vertu, et pour les autres, simplement, de leur goût, de leur tradition familiale. Et puis, dernier point, ce sont certaines expressions utilisées, mode de vie sans cruauté, choisir sans cruauté, mode de vie compatissant, la voie de la compassion, qu'on lit sur beaucoup de blogs. Alors, surtout dans le monde anglo-saxon, c'est très frappant. Donc tout ce vocabulaire de l'éthique de la vertu. Ou même la notion de non-violence aussi. Oui. Voilà, les gens font le parallèle tout de suite avec le bouddhisme. Deuxième grand point, c'est les présupposés de cette stratégie. Alors là, c'est les présupposés de cette stratégie quand la personne est motivée par une éthique universaliste. Oui, en fait, quand je dis les végétaristes, j'ai bien conscience que la plupart des gens ont aussi une approche politique. Ils vont à la marche pour l'abolition de la viande. J'ai conscience de schématiser un petit peu. Oui, qu'on n'est pas soit appel de la vertu, soit exigence de justice. Oui, oui. Il y en a qui sont 100% l'un et 100% l'autre, mais la plupart des gens font un mix. Alors sur tout sujet, les humains ont des convictions et agissent en fonction de ces convictions. Ça, c'est un présupposé. Et du coup, les partisans de l'éducation végane pensent qu'il est indispensable de changer le fort intérieur de chacun. Alors là, je cite toujours le blog Les questions qu'on pose, où il y a eu beaucoup de discussions sur le sujet. Mais le véganisme est un mouvement collectif, bien qu'il appartienne à chaque individu d'adopter ce style de vie au terme de réflexion qui doivent lui être propres. Et c'est un thème très répandu, la réflexion personnelle, etc. Donc les discours végétaristes ne se terminent que rarement sur une prescription en disant « il faut abolir la viande, demandons la fermeture des abattoirs », ni même un appel à la vertu claire et nette « vous devez cesser de manger les animaux ». Enfin, plus sympa, ce serait quand même bien de cesser de manger les animaux. On donne juste des arguments, puis on laisse la conclusion ouverte. C'est à toi de faire le choix. Alors, par exemple, sur la conclusion de l'argumentaire de l'AVF, c'est et quand bien même la souffrance animale serait réduite à une seconde, ce qui n'est pas envisageable dans le cadre de l'élevage intensif, prendre la vie d'un animal alors que ce n'est pas nécessaire, voire notre page santé, est-il un acte juste? C'est une question à laquelle il existe autant de réponses que de personnes sur Terre. Voilà, chacun se fait son opinion. Autre citation, parmi les discussions du blog Les questions qu'on pose, on ne doit pas dire aux gens de devenir vegan, mais juste leur en suggérer la possibilité. On ne doit pas leur mettre sous le nez des images d'animaux morts sans qu'ils l'aient demandé, car qu'on le veuille ou non, c'est une agression et cela tend à les culpabiliser. Or, ils culpabilisent déjà. Voilà, donc vous avez compris, l'idée c'est chacun doit réfléchir et à la suite de sa propre réflexion, en arriver à la conclusion que c'est pas bien de tuer les animaux pour quelque chose d'aussi dérisoire qu'un bon goût dans la bouche. Mais on ne doit pas le leur dire. Alors que, bon, nos connaissances en sociologie, il y a eu un bon article d'Estiva Reus, même plusieurs, je vous donnerai peut-être les références à la fin, qui montre qu'en fait, la plupart des gens n'agissent pas en fonction de convictions bien établies, mais ils font simplement ce que font leur entourage, ils adoptent le choix par défaut de leur société. Par exemple, dans le cas de l'homophobie, je vais prendre cet exemple pour faire un parallèle. En fait, l'homophobie n'a pas vraiment reculé au cours des dernières décennies, parce que chaque citoyen en son fort intérieur a compris la fausseté des sophismes naturalistes ou la vacuité du concept de crime sans victime. Et c'est simplement parce que l'homophobie a reculé dans notre culture, dans notre société tout entière, les lois ont changé, et du coup il est devenu délicat de tenir des propos homophobes. C'est même illégal depuis 2005. Et dans le cas de la viande, si on demande aux gens pourquoi tu manges de la viande, déjà ils trouvent ça insolite, parce qu'ils n'ont pas réfléchi, ils ne mangent pas de la viande à la suite d'une réflexion approfondie. La plupart des gens me disent, à moi, je ne sais pas pour vous, mais j'en ai toujours mangé. Et puis, ce serait compliqué. Ça c'est une grosse raison, c'est parce que c'est compliqué dans notre société. Il n'y a pas de menu végétarien partout. Voilà. C'est rarement une conviction personnelle. De gens disent, oui, j'ai la conviction que c'est bien. En plus, c'est pas parce qu'on a une conviction qu'on l'applique. Je vais citer le texte d'Estiva Reus qui a été publié dans un livre qui s'appelle « La conscience déniée aux animaux ». De façon récurrente, des enquêtes nous informent qu'une proportion notable et croissante de la population condamne le mal qui est fait aux bêtes, alors même qu'elle l'entérine par son mode de consommation. Donnons-en trois exemples français. Selon un sondage réalisé en novembre 2009, 82% des personnes interrogées pensaient consommer du foie gras au prochain repas de Noël. Un autre sondage, effectué ce même mois de novembre, indiquait que 63% des sondés estimaient que les oies et canards souffraient du gavage et que 44% d'entre eux étaient favorables à l'interdiction du gavage. En janvier 2000, un sondage a été effectué auprès des consommateurs d'œufs afin d'évaluer leur perception des élevages de poules pondeuses en batterie de cage. À une écrasante majorité, plus de 80%, ils se sont déclarés d'accord avec des propositions décrivant ce type d'élevage de façon très négative. À la question « À l'avenir, seriez-vous favorable à l'interdiction de l'élevage des poules pondeuses en cage et n'autoriser que l'élevage en plein air, sachant que cette mesure entraînerait une augmentation du prix de l'œuf », 86% des sondés ont répondu « oui ». Et 70% ont jugé très important le critère « bien-être des poules dans l'achat d'œufs ». Or, à l'époque de ce sondage, 90% des œufs vendus en France provenaient d'élevage en batterie. Et bon, on ne pourrait pas faire des parallèles avec l'agriculture biologique ou le commerce équitable. Combien de ceux qui pensent que c'est bien, que ce serait mieux que toute l'agriculture soit biologique ou que le commerce en général soit plus équitable, combien n'achètent que des produits biologiques et que des produits équitables? Il y en a plein qui n'ont pas toujours le comportement de consommateur en stricte adéquation avec leur conviction. Alors le postulat qu'il y a derrière tout ça, c'est que les gens agissent sur la base de croyances individuelles. Alors ce qui est vrai dans certains cas, hein, par exemple, s'il pleut, je regarde dehors, je vois qu'il pleut, alors je vais me dire, je vais prendre mon parapluie. Mais dans le cas de la viande, c'est un peu l'inverse. On commence à manger de la viande, et ensuite, c'est dans un deuxième temps qu'on y réfléchit. Donc on n'adapte pas notre comportement à ce qu'on croit, c'est qu'on adopte les croyances qui justifient notre comportement. Et on peut même agir sans être vraiment motivé par des croyances particulières, de manière routinière, machinale, parce que c'est comme ça que ça se fait. Et c'est en partie le cas, au moins en partie, pour la viande. Les gens en mangent parce que tout le monde en mange autour d'eux, ils l'ont toujours fait. Le corollaire de ça, c'est que la plupart des mangeurs de viande sont partisans des abattoirs, si les gens agissent sur la base de leur croyance individuelle. Donc ils sont partisans des abattoirs, soit parce que ce sont des horribles spécistes jusqu'à la moelle, soit parce qu'ils refusent de s'informer pour pas être dégoûtés. Donc ils sont pour les abattoirs en fait parce qu'ils savent pas ce qui s'y passe. Donc dans cette optique, évidemment, convaincre le grand public, ça revient à le rendre végétarien, parce que si on change leur croyance individuelle, hop, ils vont devenir végétariens. Je vais vous citer un texte de Dan Kudahy, qui est un francionien, donc partisan de l'éducation végane. Comme le reconnaît clairement et explicitement le professeur Francione dans « Rain Without Thunder », les cinq critères définissant une réforme dite abolitionniste limitent les réformes des pratiques industrielles à des changements tellement dévastateurs pour l'industrie, par exemple résultant en l'élimination de quelque chose d'essentiel, du genre tuer des animaux pour la nourriture, que de tels changements n'auraient aucune chance d'être acceptés dans notre société spéciste actuelle. Seule une société avec une population végane politiquement viable accepterait des changements aussi révolutionnaires. Alors ça me semble être un argument extrêmement bizarre, puisque je ne vois pas en quoi convaincre la population de devenir végane serait plus facile que de la convaincre que la viande doit être abolie. En plus de les convaincre que la viande doit être abolie, il faut les convaincre d'adopter effectivement un comportement en adéquation avec leurs croyances. Donc ça n'a de sens que si on postule que tous les mangeurs de viande sont des partisans des abattoirs, ou presque. Mais toutes les enquêtes montrent le contraire. J'ai puisé dans deux articles que Estiva Reus et Frédéric Dupont ont publiés dans les cahiers antispécistes en début d'année. Il y a une revue très complète des raisons qui nous incitent à penser que c'est le contraire. Alors je vais vous prendre l'exemple d'une étude menée par Cazès Villette, qui est une sociologue de l'alimentation, en 2004, sur le rapport du consommateur français à la viande. Et qui révèle que 14% des personnes interrogées répondent qu'elles sont en désaccord avec l'affirmation « il est normal que les humains élèvent des animaux pour leur viande ». Ce qui est beaucoup plus que le nombre de végétariens, qui plafonne à 2%. 39% désapprouvent l'idée que l'on puisse tuer un animal par la pêche, et 59% quasiment désapprouvent l'idée que l'on puisse tuer un animal par la chasse. Et dans cette étude-là, 1,2% des répondants étaient végétariens. Autre enquête, menée aux États-Unis, cette fois, en 2012, à la phrase « Si les animaux de ferme sont traités décemment et humainement, je n'ai pas de problème à consommer de la viande, du lait et des œufs. » Alors ça, c'est une question qui pose la question du meurtre. On postule que le problème de l'élevage industriel est réglé. Et même si les animaux de ferme sont traités décemment et humainement, il n'y a que 51% des Américains qui expriment un fort niveau d'accord avec cette affirmation. 42% un niveau modéré et 7% un faible niveau. Et ceux qui étaient fortement d'accord étaient 63% en 2007 et 54% en 2010. Ça décroît. Alors, corollaire de cette analyse, c'est l'idée qu'il faut convertir un certain nombre de personnes au végétarisme avant de pouvoir lancer un débat pour l'abolition de la viande. Alors, ce qui est tout à fait logique si on pense que les gens agissent en conformité avec leurs convictions. Et que donc la plupart sont pour les abattoirs, plus ou moins fortement. Et qu'ils ne peuvent changer d'avis qu'à la suite d'une réflexion personnelle approfondie. Alors, je vais vous citer que m'a écrit quelqu'un. Tu penses que c'est possible d'abolir la viande tant que 98% des gens en mangent? Encore une fois, si 98% des gens fumaient et pensaient que c'est tout à fait normal d'enfumer son entourage, il aurait été tout bonnement impossible de promulguer une loi anti-tabac dans les lieux publics. On ne peut pas faire des lois comme ça sans changer des mentalités. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit être d'accord avec une loi pour la promulguer, mais penser que 2% de végétariens vont abolir la viande, c'est tout simplement du fantasme. Voilà. Ce commentaire, là, il suppose aussi autre chose. C'est que, en fait, l'appel à la vertu serait plus efficace que l'exigence de justice pour convaincre quelqu'un de devenir végétarien. Or, ça ne me paraît pas... Ça me paraît carrément faux, étant donné les sous-entendus de l'appel à la vertu dont j'ai parlé précédemment. Alors, cette analyse se base aussi sur une conception sociologique individualiste. L'idée de base, c'est que l'augmentation du nombre de végétariens entraîne une diminution de la demande de produits animaux et donc une diminution de l'offre. Et donc l'augmentation du nombre de végétariens est perçue comme l'arme la plus efficace pour affaiblir l'industrie de la viande. Alors ça me semble découler d'idées un petit peu réductrices, pas complètement fausses, mais réductrices. Enfin, soit fausses, soit réductrices. L'idée que tous les individus seraient un peu socialement égaux. Voilà, on est tous des consommateurs, on achète tous, 200 grammes de viande par semaine, par jour. Or, c'est pas du tout le cas, ça me semble flagrant. Par exemple, le président du PNNS, qui est responsable des bêtises... C'est le plan national nutrition santé. Voilà. A un pouvoir d'influence beaucoup plus grand que le Kidam moyen, dont le militant sur son stand qui donne des arguments santé sans avoir de légitimité scientifique. Et les journalistes, par exemple, ils ont un pouvoir d'influence bien plus grand puisqu'ils écrivent des papiers qui seront lus par des milliers de personnes. Autre idée, c'est que c'est la demande qui détermine l'offre. Alors c'est vrai, mais l'inverse aussi. Alors, je ne parle pas que de la publicité. Il y a beaucoup de travaux en économie comportementale qui montrent qu'en fait, l'offre disponible influence sur les désirs des consommateurs. Par exemple, la simple... Même pas la composition, mais la disposition d'un buffet, ça va modifier ce que vont choisir les gens. Alors, je reprends ce qu'explique Estiva Reus dans son... article de 2010, c'est que les gens mangent de la viande parce que c'est l'option par défaut, parce qu'elle est disponible. Il y a l'offre de viande, du coup les gens en mangent. Autre idée, c'est que c'est l'acheteur final qui détermine la demande, alors que c'est loin d'être aussi simple. Je viens de vous en parler, les gens achètent ce qu'il y a en rayon. C'est ce qu'on a vu avec le cas des poules pondeuses. Les gens sont contre les élevages en batterie, mais comme on en trouve en rayon et qu'il y a des jours où ils ne font pas attention, ou dans leurs produits préparés, le 4 quarts breton, il y a des œufs en batterie, hop, ils en achètent. Autre idée, c'est que ceux qui sont sensibles à la cause animale, mais qui mangent tout de même des animaux, le font à cause de blocages psychologiques. Et ça coexiste bizarrement avec l'idée que presque... tous les mangeurs de viande sont partisans des abattoirs. Par exemple, Gary Francione, lui, il dit que 99% des gens sont des partisans de l'exploitation, ils sont imprégnés de spécisme, etc. Mais que dans d'autres passages de ses bouquins, il dit que les gens sont mal à l'aise avec l'exploitation. Et d'ailleurs, en fait, il fonde son argument sur la morale commune. Donc, ce faisant, il postule que les gens ne sont pas si... ancré dans le spécisme. Et il affirme, à qui veut l'entendre dans des interviews, si vous êtes d'accord avec l'affirmation « il est mal d'infliger des souffrances inutiles à un animal », donnez-moi 15 minutes et je vous rendrai vegan. Alors, la stratégie, si on croit ça, c'est de contourner les blocages par divers procédés, édulcorer le message, mettre en avant des arguments indirects, faire beaucoup de marketing, se focaliser sur les aspects psychologiques du problème. Et c'est ces procédés que je vais examiner dans ma troisième partie. Hop. Premièrement, la méthode témoin de Jéhovah. Ça consiste à aborder chaque personne individuellement pour la convertir petit à petit en revenant à la charge. Et là, bon, là, c'est faire un pas sur les déterminants sociaux de la consommation de viande. On ne s'adresse que à sa psychologie, à tiens, je vais t'inviter à manger, goûter ce bon gâteau. Alors, la méthode témoin de Jéhovah a une conséquence curieuse, c'est qu'en réponse au blocage du passant moyen, les végétaristes édulcorent leur message par divers moyens, les arguments indirects. Mais aussi ne pas employer certains mots, ne pas appeler un chat un chat, il ne faut pas parler de meurtre, il ne faut pas dire que c'est immoral de tuer les animaux. Mais alors ça, en fait, c'est que... Mon impression personnelle, après, on critiquera peut-être là-dessus, mais c'est que à vouloir rendre leur message acceptable aux quidam moyens qui passent dans la rue, finalement, on s'aligne un peu ceux qui seraient sensibles à un discours éthique clair et précis, mais qu'ils ne sont même pas confrontés à ce discours. On leur parle un peu de la santé, l'écologie. Alors qu'il me semble que même dans une approche individualiste, en s'adressant à l'individu, ça me semblerait mieux d'avoir un discours éthique clair, quitte à choquer 90% de la population, mais pour toucher ceux qui sont déjà un peu sensibles au problème de la question, enfin à la question animale. Parce que les prochains, bon, si on est dans l'optique d'augmenter le nombre de végétariens, les prochains 2%, ce ne sera pas des chasseurs bouchers, etc. Ce sera des gens qui sont un minimum sensibilisés et qui ne vont pas hurler si on leur parle d'éthique ou même d'antispécisme. Deuxièmement, la place du marketing. Alors bon, ça, c'est le problème auquel sont confrontés tous les moralistes de la vertu, ou les universalistes qui en appellent à la vertu pour combattre certains fléaux, c'est que ben, les humains ne sont pas à la hauteur des belles morales qu'on leur conçoit. Alors, dans le cas qui nous intéresse, les véganes ne courent pas les rues. Donc, la solution, c'est d'ajouter quelques incitations égoïstes. Alors, les promoteurs de l'agriculture biologique, par exemple, qui sont dans l'appel à la vertu, acheter les produits biologiques, ils mettent en avant l'absence de pesticides, la protection contre le cancer, etc. Et les végétaristes, certains, pas tous, promettent un certain nombre d'avantages personnels. Par exemple, des belles artères propres et une bonne érection qui en découle. D'où les campagnes de PETA, de PETA, sur le thème « Vegetarians have better sex », que PETA France a traduit par « Les végétariens sont les meilleurs amants ». Alors avec des clips où on voit des couples dénudés, des femmes nues avec des légumes verts, et des actions de rue où il y a des couples qui s'embrassent en étant dénudés. Alors ça, bon, c'est un argument indirect parmi d'autres. Vous savez ce que les arguments indirects, c'est les arguments qui sont autres qu'éthiques. Parce que l'idée, c'est donc, comme il s'agit d'augmenter à tout prix le nombre de végétariens, tous les arguments sont bons. Alors que bon, ils ont pourtant un défaut majeur, c'est qu'ils ne sont pas contraignants, ces arguments indirects. C'est qu'ils n'impliquent pas qu'il faut arrêter complètement de tuer et manger les animaux, encore moins les sous-produits animaux, et encore moins d'abolir la viande. Parce que ce n'est pas de manger un peu de poulet de temps en temps, ou une tranche de jambon le dimanche, ou quand on est en déplacement et qu'on achète un sandwich dans une boulangerie qui va ravager la planète, démolir les artères. Voilà. Et en plus, être en bonne santé, c'est une affaire personnelle. S'il y a quelqu'un qui préfère être mal mangé au motif que je préfère me faire plaisir plutôt que de vivre 90 ans, ben, c'est son choix. Et du coup, en mettant sur le même plan les arguments indirects et les arguments éthiques forts, ça aggrave l'idée que le végétarisme est surérogatoire, puisque les arguments éthiques sont noyés dans des arguments complètement surérogatoires. Et du coup, ça c'est un truc qui me paraît, parce que souvent les arguments indirects sont mis en avant pour paraître plus consensuels, pas être agressifs, etc. Alors moi, il me semble que du coup, ça fait passer les végétariens pour des extrémistes, puisque eux, ils ont arrêté complètement de manger même le moindre lardon sur la base d'arguments santé. Ça paraît un peu rigide. Et effectivement, il y a des promoteurs du végétarisme qui, quand ils sont interviewés par des journalistes, ne mettent en avant que les arguments santé et écologiques. Et même quand le journaliste leur dit « mais il n'y aurait pas des motivations éthiques », ils disent « oui, c'est vrai, etc. » Mais quand même, l'effet de serre... Donc là, je me mets à la place de l'auditeur, on se demande « mais pourquoi ce mec-là est végétarien ?» Parce qu'il a quand même un petit steak de temps en temps, franchement, surtout un mouton dans la montagne qui mange de l'herbe, c'est la nature, ça pollue pas trop. Et puis les arguments indirects brouillent un peu le message général. Ça, c'est, je cite un dirigeant de l'AVF, c'est André Méry, qui dit « Alors il est possible aussi que cette conjugaison de réflexion, de raison en fait, fasse qu'une partie des gens soit un peu perdus, ne sache pas très bien dans quelle direction ils doivent aller, quels arguments ils doivent accepter, quels arguments ils doivent mettre de côté, pour peut-être un petit peu plus tard. » Alors, troisième tendance, c'est seulement proposer. Je l'ai un peu abordé précédemment, c'est ne surtout pas dire il faut. Voilà, c'est surtout pas il faut. C'est je te suggère, je te dis ça, mais comme ça, juste pour tu réfléchiras. Donc là, même si on parvient à surmonter les sous-entendus de l'appel à la vertu, et faire comprendre qu'on n'est pas dans une éthique de la vertu surérogatoire, utopique, etc., et que l'alternative n'est pas légitime mais criminelle, et ben on paraîtrait fondamentalement agressif. Pourquoi ? Parce que l'appel à la vertu, souvenez-vous, part du principe que le mal vient du cœur des gens. C'est pas les structures sociales, c'est parce que les gens sont vicieux, les humains ont le mal en eux. Ou sont faibles. Donc ce discours-là, ça implique que en fait, les gens sont des salauds, ceux qui mangent de la viande. Alors qu'avec l'exigence de justice, on met pas tout le poids sur la responsabilité individuelle du consommateur qui a osé acheter de la viande, mais on dénonce un système. Et du coup, pour éviter cet écueil d'être agressif, les végétaristes évitent d'avoir l'air d'imposer quoi que ce soit, de paraître forcer la main, pour éviter les blocages, les fameux blocages. Ils affirment qu'ils ne font que proposer un mode de vie, je ne te force pas, je veux juste te montrer que c'est possible, et après tu réfléchiras, et si tu as envie. Alors, je vous ai déjà... Souvenez-vous de la citation, on ne doit pas dire aux gens de devenir vegan, mais leur suggérer la possibilité, leur montrer des images, ce serait une agression qui va l'étendre à culpabiliser. Pourquoi ils culpabilisent ? Parce que c'est eux qui ont eu ce vice ou cette faiblesse d'acheter un beefsteak. Et si on propose rien, si on n'énonce aucune obligation, si on n'est que dans la suggestion, ça renforce l'idée que le végétarisme ou le véganisme est surérogatoire. Troisième point, j'ai appelé ça porter beau. Alors ça, c'est les conseils dont beaucoup sont de bon sens. Hein, c'est pas... ce qui me pose problème, c'est la place donnée aux conseils aux gens. On conseille aux militants d'être jeune et beau si possible, en bonne santé, sportif, musclé, faut pas être trop pâle non plus, avoir les dents blanches, être sympathique. Donc ça fait un peu représentant de commerce, pas militant. Et donc on met en avant, en fait, le fait que les végétariens sont des gens vachement bien et que ce serait pas idiot de faire partie du club. Par exemple, oui, ça a circulé, ça. Les végétariens ont un QI supérieur à la population générale. Donc devenez végétarien. Voilà. Et puis il y a plein de gens bien hein, parmi les végétariens. Il y a une affiche où on voit écrit « Ils sont célèbres ». Alors, photos de chanteurs, Paul McCartney, « Ils sont beaux ». Il y a des mannequins. « Ils sont intelligents ». Léonard de Vinci, Tolstoï et Einstein. « Ils sont sportifs ». Alors, on voit des sportifs. « Ils sont végétaliens ». Et alors, symétriquement, faut surtout, on n'a rien à voir avec des gens considérés à tort ou à raison. À tort dans le cas de Singer, à mon avis. Alors, les deux exemples, c'est Singer et Brigitte Bardot, sous prétexte qu'ils déparent le mouvement animaliste dans son ensemble, comme s'ils étaient des représentants du club. Voilà, et ça fait que ça donne une connotation aux associations végétariennes, elles ressemblent un peu à des clubs services comme le Rotary Club, plutôt qu'à des mouvements politiques, ou à des ONG. J'aimerais bien qu'elle soit. Ou des syndicats. Ou des syndicats. Alors, le quatrième point, c'est la focalisation sur les causes psychologiques. Et ça, c'est dû, bien sûr, au fait que les gens qui sont dans le militantisme à échelon individuel, convaincre les individus de consommer des produits qui ne soient pas issus de l'exploitation des animaux, ben, ils ont tendance à se focaliser sur les causes psychologiques. C'est normal, moi, si je veux changer, rendre mon voisin végétarien, je peux pas comme ça changer la société, donc je vais agir sur sa psychologie. D'où les questions, pourquoi cette personne-là que j'ai en face de moi, ce genre de choses, je l'ai entendu pas mal, ou dire écrit, par exemple, oui, ben c'est bien beau votre histoire d'abolition de la viande, mais la personne que j'ai en face de moi, là, elle refuse de devenir végétarienne. Comment la convaincre? Comment la rassurer? Lever ses blocages? Comment faire qu'elle ne se sente pas agressée? Alors donc, comment lui montrer que les plats végétariens, en fait, c'est bon, c'est pas que de la salade avec D'où les séances de dégustation, les ateliers cuisine, tout ce qui est convivial pour agir sur la psychologie de l'autre. Alors se focaliser, alors c'est pas complet, je suis pas contre le fait de tenir compte des causes psychologiques, bien sûr, mais se focaliser là-dessus, c'est négliger les causes sociales, déterminant la consommation de viande et de produits animaux. Alors, tout bêtement, la législation, si les gens achètent de la viande, c'est parce que c'est autorisé, tout bête. Les subventions à l'élevage qui font que la viande est pas chère, la disponibilité dans les magasins, les menus des restaurants environnants, les plats à la cantine, qui seront tous carnés depuis que certains décrets sont passés, la végéphobie, la propagande des lobbies, la pression familiale, les pressions du corps médical qui ne connaît pas grand-chose, la diffusion du spécisme par les institutions aux enfants, les livres d'images avec les vaches dans des prêts ouverts. Il fait toujours beau, jamais plus. Voilà, à la crèche. Et ça va jusqu'au cours de philo en terminale. Moi, j'ai tout. Mon prof de philo était presque cartésien. Il y a les leçons de nutrition en classe de 5e aussi, avec les 4 groupes, dont viande, poisson, œufs. Voilà. Donc, il faudrait peut-être un peu s'occuper de ça plutôt que de trop se focaliser sur les causes psychologiques. Alors, Mélanie Joy, qui a développé le concept de carnisme, fait le parallèle avec le patriarcat, et ça a été repris. Or, c'est remarquable que, en fait, le concept de patriarcat, c'était un concept sociologique, alors que le concept de carnisme, c'est un concept de psychologie. La définition du patriarcat, c'est une forme d'organisation sociale et juridique fondée sur la détention de l'autorité par les hommes. Alors, c'est dans le livre de Bonté en 91. Et le carnisme, selon la définition de Mélanie Joy et de ceux qui ont repris le concept sur les blogs, les bouquins, c'est le système invisible de croyance ou idéologie qui conditionne les gens à manger certains animaux. Donc là, on se focalise sur ce que les gens ont dans la tête. Alors, prenons le cas de la végéphobie, qui est un frein social au végétarisme. Bon, ça change peut-être un petit peu là depuis l'année dernière, mais elle est peu abordée par les promoteurs du végétarisme et ceux qui réfléchissent au carnisme. D'ailleurs, le concept est inexistant en anglais. Donc, comme les associations végétaristes se consomment plus en agence de pub qu'en syndicat des végétariens, elles rechignent même à en parler de peur que ça fasse de la mauvaise publicité au végétarisme et que ça décourage certaines personnes. Le problème que David avait voulu, Olivier qui est là, avait voulu écrire un article là-dessus, puis on lui a refusé. On t'avait refusé de parler de la végéphobie dans une revue végétariste, il me semble. Je me rappelle plus exactement, mais c'est clair que. Il t'avait dit ça va faire peur aux gens. Ah voilà. Obligeant les cantines à servir de la viande des usagers a été refusé clairement avec l'argument c'est trop négatif, ça va décourager les gens. Voilà. Bon, il y a eu plein de péripéties parce qu'avec la VR. C'est clair que les volontés de présenter le végétarisme comme passive et tout ce qui montre que c'est pas passive n'est pas bien aidé. Alors de nombreux végétariens affirment qu'être végétarien est facile. Là, je continue sur la végétarie. Et que les mangeurs de viande ne se rendent pas compte à quel point c'est facile. Après, bien sûr, un peu d'adaptation pendant quelques semaines. Alors que je trouve qu'en fait, les mangeurs de viande se rendent bien compte que c'est socialement difficile d'être végétarien et que c'est ça qui les rebute. Il y a beaucoup de gens, la simple idée de devoir argumenter en public face à des gens qui sont au mieux pas d'accord avec eux, au pire carrément agressifs, ça leur fait pâlir. Et il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à résister à la tentation de, quand on leur sert de la viande, de refuser. Ce qui est une forme de pression sociale aussi, qu'il y en ait partout, que dès qu'on va au restaurant, à la cantine, on leur en propose, ça les fait flancher. La viande est omniprésente dans notre société. Et beaucoup, bien sûr, ne connaissent aucun végétarien dans leur entourage, l'isolement leur fait peur. Et donc, comme le dit Martine Balour, les humains sont plus des animaux sociaux que des animaux rationnels. Et c'est pour ça qu'on mange de la viande souvent. Donc pour conclure, la stratégie végétariste est probablement optimale ou en tout cas assez efficace pour convaincre une personne isolée, un proche, un ami, un voisin. Mais par contre, à l'échelle d'une population, ça me paraît une méthode sous-optimale. Parce qu'on peine à essayer de modifier les croyances de chaque personne, alors que tout dans la société, les menus, les idées sur la diététique, enfin tout pousse à manger de la viande. Sous-optimale. Bien dit. L'un des buts de des associations végétaristes, c'est de combattre l'idée que la viande et les produits laitiers sont indispensables à l'équilibre alimentaire. Or, c'est ce que fait le mouvement végétarien depuis 150 ans. Surtout le mouvement français qui a axé depuis la fin du 19e siècle son discours sur la santé, la santé, la santé. Est-ce que ça a été très efficace? Je n'ai pas l'impression. Parce qu'évidemment, de faire des publications pour s'adresser aux gens sans critiquer ce que toutes les institutions font, ce que dit le PNNS, en tout cas à notre époque. Alors, est-ce que l'argument écologique est plus efficace? Là, je critique un peu les arguments indirects. Ça ne me paraît pas efficace du tout, parce que ça fait quand même plus de 40 ans, 50 ans que les gens sont au courant des problèmes écologiques, et on n'a pas l'impression que ça ait changé leur comportement. Ce qui a fait changer les comportements, ce qui a fait reculer la pollution, c'est des mesures à l'échelon collectif, des mesures institutionnelles, le pot catalytique, la disponibilité des transports en commun, l'interdiction de l'essence au plomb, la TIPP qui rend l'essence chère, la taxe carbone. Donc, par exemple, si on veut que quelqu'un laisse sa voiture et pour aller acheter le pain, d'aller lui dire écoute, ce serait mieux, etc., ça ne marchera pas. Puisqu'il a pas. S'il y a le bus toutes les 10 minutes, il fera, sinon. Voilà, donc militer dans ce cas de figure, militer pour auprès de la mairie pour qu'il y ait une ligne de bus supplémentaire dans un quartier qui n'est pas desservi, ça me semble beaucoup plus efficace pour convaincre les gens de laisser leur voiture au garage plutôt que d'aller démarcher chacun comme les témoins de Jéhovah, là, sonner à leur porte pour leur dire écoutez, vous êtes au courant de l'effet de serre, de l'effet des particules du diesel sur les poumons des enfants. Et en fait, j'ai pas d'exemple de problème moral qui a été résolu par l'appel à la vertu, en tout cas par l'appel à la vertu seule. En fait, l'existence même des lois prouve qu'il faut, ça suffit pas de faire la morale aux gens pour changer le comportement des gens. Il faut des institutions qui orientent leur comportement. Ah, oups, c'est moi. D'où la suite pour un militantisme à l'échelon collectif. Voilà. Ce que j'avais intitulé pour un militantisme collectif. Oui. L'objectif, changer la société, non les individus. Donc c'est pas dire que ça importe pas de changer les individus, mais c'est dire qu'on va pas changer le monde en changeant les individus, mais plutôt en essayant de changer les structures sociales qui déterminent les comportements des individus. J'avais noté changer la culture, changer les institutions, affaiblir les filières, changer la culture. Ben, par exemple, je trouve un exemple intéressant d'un changement qui a eu lieu récemment, qui n'est pas de notre fait, qui n'est pas dû à notre militantisme, très peu, mais qui est quand même très notable sur la question animale, c'est la diffusion qui a eu depuis une dizaine d'années des résultats de la recherche en éthologie. C'est-à-dire toutes ces nouvelles recherches qui ont lieu depuis 20-30 ans en éthologie cognitive sur les comportements animaux, qui ont découvert plein de faits qui étaient niés autrefois ou qui étaient invisibilisés, des capacités d'intelligence, de communication des animaux, de projection dans le temps, d'empathie, d'altruisme, de trucs comme ça. Enfin, il y en a toute une liste. Ah oui, on verra ça vendredi matin. Oui, et Pierre en parlera vendredi. Il y a eu plein d'infos qui sont passées, qui n'existaient pas autrefois, et qui ont changé profondément, en fait, notre façon individuelle, mais en fait notre façon sociale, parce que ça concerne tout le monde, de percevoir les animaux, de façon générale. C'est pas que ça a eu des répercussions très pratiques sur la consommation de leur corps, mais en tout cas, par exemple, on entend beaucoup moins, et même pratiquement plus, des objections qu'on entendait encore il y a 10 ans, du style « mais les animaux ne souffrent pas » ou « mais les animaux ne pensent pas ». Ce sont des objections qu'on entendait en permanence il y a une dizaine d'années et qui sont devenues beaucoup plus rares. Bon, ben ça, c'est un exemple, par exemple, d'un changement qui a eu lieu à l'échelle sociale. Des discours de ce type, des réactions de ce type, ne sont pratiquement plus productibles. parce que notre environnement culturel a changé, les connaissances dont on dispose ont changé et font que ce sont des arguments qui sont plus recevables, enfin au moins tendanciellement, évidemment qu'il doit rester encore plein de gens qui les utilisent, mais c'est vrai que moi je les entends pratiquement plus, ces arguments, alors qu'on les entendait en permanence, y compris donc dans les médias, dans des... sur la défensive, les gens sont moins assurés, ils disent pas mais le, contrairement à l'animal, l'homme, bon, ça se fait moins, c'est mieux, je suis pas convaincu que les animaux aient vraiment conscience de ce qui leur arrive, c'est plus, ça s'est ramolli. Mais ça je pense c'est un bon exemple de changements qui ont eu lieu à l'échelle de sociétés tout entières, d'une façon finalement extrêmement rapide, c'est-à-dire par exemple en France qui ont touché, je pense, 66 millions de personnes, bien plus qu'on n'en pourra jamais toucher individuellement dans la rue ou en sonnant à la porte, comme disait Pierre. Alors je donne cet exemple-là parce que je pense que un travail qui vise l'échelon collectif, donc ce que moi j'appelle un travail politique, essentiel, c'est un travail d'information qui passe à travers les canaux collectifs, c'est-à-dire qui passe par la voie publique, par ce qu'on appelle le domaine public de façon générale. Ça peut être la voie publique, ça peut être les médias, ça peut être les des personnalités, etc. Des types d'actions à visibilité publique, etc. Alors ça peut être un travail qui est fait sur les informations disponibles, c'était le cas de ce que plus ou moins oui, on peut c'était l'exemple que je donnais avec les travaux d'éthologie cognitive qui portent donc sur les comportements des animaux. Ça peut être à mon avis très important un travail d'analyse et qui vise à changer la vision comporte, bon alors sur les animaux par exemple, mais comporte sur notre rapport aux animaux, sur ce qu'on fait. Ça peut être donc un travail qui vise à soit populariser des types d'analyses, je ne sais pas, moi par exemple des analyses en termes de domination, des analyses, ça peut être populariser des termes qui ont un impact fort comme la notion de spécisme. Ça peut être populariser des analyses de philosophie morale, je ne sais pas moi, la notion d'égalité. Ça peut être changer les termes, les mots utilisés. Ça, c'est aussi une façon de modifier la culture. On parle d'abattre les animaux, et bien parler de tuer, par exemple. Des trucs comme ça, ces types d'interventions culturelles sont ce que j'appelle moi des types d'interventions politiques qui ont un impact global sur la façon qu'ont nos sociétés d'envisager des rapports sociaux, ici précisément des rapports humains-animaux. Le travail d'analyse, c'est un travail qui existe, à mon avis, qu'il faut soutenir. C'est un travail qui a été fait pendant 20 ans et qui continue d'exister avec les cahiers antispécistes, par exemple, travail militant, mais qui est fait aussi par de plus en plus de gens. Je pense à des gens comme Florence Burga, qu'un certain nombre d'entre vous doivent connaître, qui publie des bouquins et qui a des fonctions dans les institutions en fait, qui est philosophe, qui était salarié à l'INRA, mais en tant que philosophe, et qui, bon, l'INRA c'est l'Institut National de la Recherche Agronomique. C'est pas un avant-poste de la remise en question des rapports animaux, humains-animaux, mais Florence Burga, de cette place-là, a réussi à produire des textes qui font autorité du fait de son... Enfin, du fait de plein de choses, mais aussi du statut tout bonnement professionnel qu'elle a, qui ont un impact global, en touchant de proche en proche, je sais pas, moi, des journalistes, les médias, etc., etc. Mais il y a énormément d'autres gens qui travaillent là-dessus. Il y a Jean-Baptiste Changène-Villemaire qui a fait un travail, je pense, qui a une portée collective très importante en publiant un bouquin qui s'appelle L'éthique animale, qui a eu beaucoup de succès, qui a eu une visibilité publique, qui a été publié aux presses universitaires de France, qui d'une certaine façon faisait sortir tout ce qu'on appelle le domaine de l'éthique animale de la case un peu des fantaisies anglo-saxonnes, pour lui donner une sorte de notoriété et de légitimité institutionnelle. De plus en plus, dans les départements de philosophie, l'éthique animale devient incontournable. On ne peut plus, comme Luc Ferry en 92, les citer parce que c'est rigolo, on va s'en moquer. Ça devient une position sérieuse dont on doit tenir compte. Bien sûr qu'on commence par que les gens critiquent, mais qui est incontournable. Et après, les philosophes, eux, ils font partie des gens dont je parlais tout à l'heure, qui ont une plus grande importance, une plus grande influence sociale que le passant dans la rue. En étant après. D'accord, dans ce cas-là, tu viens encore prendre un petit moment avant de finir. Mais, bon, en même temps, je vais essayer de faire vite. Hein, mais, là, ce que je voulais dire, c'est que c'est des types d'interventions. Publier un article, faire connaître tel type de pensée, tel type d'analyse, utiliser d'autres termes, etc., qui sont des types d'interventions culturelles qui ont une portée qui va au-delà de la simple portée interindividuelle, qui ont une portée globale, qui change l'idéologie globale, l'idéologie commune, qui semble la perception commune, en fait, des rapports humains-animaux. Un autre mode d'intervention à l'échelon collectif, c'est les interventions qui visent à changer les institutions. Alors les institutions, c'est aussi bien, ça peut être plein de choses. C'est notamment le droit et les lois. C'est pas que ça, hein, c'est énormément d'autres choses. C'est les institutions économiques, ça peut être les subventions, ça peut être les taxes, ça peut être les idéologies, etc. Les institutions aussi. Au niveau du droit, par exemple, tout le système d'exploitation animale est fondé sur des notions juridiques fondamentales, et notamment le fait que les animaux sont propriétés des humains. Ils sont appropriés, ils sont soit appropriés de fait, au sens où ils sont des biens et des marchandises qu'on échange, qu'on vend, dont on peut disposer, user et abuser. C'est ce qui permet de prendre le droit de les faire naître ou non, de les faire grandir ou non, de les maltraiter ou non, de les faire tuer ou non, etc. De les faire se reproduire ou non. C'est fondé sur un droit de propriété. Mais il y a d'autres types de lois qui peuvent éventuellement aller à l'encontre de ce droit de propriété. Et il y a des actions qui sont envisageables à ce niveau-là. Je pense qu'il y a le fameux article L214 qui a donné son nom donc à la sauce... Non, qui est un article du droit rural dont on ne sait pas comment il a bien pu être voté, qui date de 76. Ce n'est pas une période particulièrement faste au niveau des luttes animalistes, mais qui est un article qui reconnaît les animaux comme étant des êtres sensibles, ayant droit à des conditions de vie qui sont en accord avec leur physiologie, etc. Ça, c'est un article, par exemple, qui, s'il était appliqué, signifierait la fin de 95% des méthodes d'élevage actuelles, même peut-être plus, quoi. Et je ne sais pas si c'est un article qui permettrait le fait qu'on les mette à mort. Il y a d'autres... Si tu veux. Alors, il y a d'autres types de lois, je ne sais plus comment c'est formulé, mais il y a il y a une loi qui est, je ne sais pas comment elle est formulée précisément, mais grosso modo, qui réprime le fait de torturer ou de tuer un animal inutilement, sans nécessité. Bon, ça, c'est un type de loi qui, s'il était pris au sérieux dans sa littéralité, impliquerait la fin de l'exploitation animale, notamment pour la viande, qui interdirait de tuer les animaux pour s'en nourrir. Voilà. Et bien là, ce sont typiquement des institutions sur lesquelles on peut agir et qui ont des répercussions qui évidemment, du fait même qu'il s'agit là de droits et de lois, qui ont des répercussions à l'échelle des sociétés tout entières. Ça, c'est un niveau sur lequel le mouvement animaliste lutte extrêmement peu à l'heure actuelle. Pour énormément de raisons, mais en tout cas, c'est à l'heure actuelle un domaine qui est globalement délaissé, quoi. Un autre exemple de travail sur les institutions, qui est un travail donc qui porte sur l'organisation sociale de façon générale, c'est le travail d'affrontement avec le monde de l'exploitation animale, les différentes filières économiques liées à l'exploitation animale. C'est un travail qui est très peu mené en France, qui l'a été de façon assez intéressante, par exemple en Autriche, par les militants animalistes qui, en s'opposant de façon à la fois dans tous les domaines, c'est-à-dire aussi bien dans la rue qu'au niveau argumentaire, qu'à un niveau symbolique, etc., c'est-à-dire en menant vraiment un combat sur des fronts extrêmement divers, ont réussi à faire fermer à la suite les uns des autres des magasins de vente de fourrure, puis à obtenir une loi condamnant les élevages de production de fourrure. Ce sont maintenant des élevages qui n'existent plus en Autriche, qui, en usant des mêmes méthodes, ont réussi à obtenir l'interdiction de l'utilisation d'animaux sauvages dans les cirques. Donc il n'y a plus d'animaux sauvages à l'heure actuelle dans les cirques en Autriche. Bon, il reste tous les autres animaux, mais... Non, il y a toujours des animaux. Enfin, ou alors, peut-être mes infos datent d'il y a quelques années, mais... Moi, j'en étais resté là. Ils ont réussi aussi à obtenir l'interdiction des œufs, des élevages de cages en batterie pour les poupondeuses. Donc, à chaque fois, ce sont des victoires... qui portent, qui ont eu des conséquences législatives, qui ont impliqué un changement à l'échelle de la société tout entière, et donc un changement aussi du coup des comportements des individus. C'est-à-dire que de fait, il n'y a plus aucun Autrichien qui va voir des spectacles avec des tigres ou des pandas. Il n'y a plus aucun Autrichien qui mange des œufs de poules en batterie, non pas parce qu'ils l'ont décidé, mais simplement parce qu'il n'y en a plus, quoi. Et ce sont des actions qui ont donc porté leurs fruits à ce niveau-là, qui ont aussi un impact à un niveau culturel, un impact indirect, dans la mesure où la sensibilité d'une société est toujours, d'une certaine façon, en phase avec ses pratiques, et que lorsqu'on supprime des pratiques qui sont des pratiques, par exemple, de souffrance importante, comme ces histoires de poules en batterie, on permet aux gens d'adapter leur sensibilité et d'avoir une sensibilité plus grande à la question animale, qui va être utilisable en retour, pour aller plus loin, pour mobiliser plus largement, etc., sur cette question-là. C'est-à-dire qu'il y a un effet, là il y a un cycle vertueux qui se met en œuvre par l'obtention de victoires, et qui est assez large, qui peut avoir donc des répercussions, même si on obtient des victoires, par exemple, en termes de loi. Ça peut avoir des répercussions en termes de culturel, etc. Il y a l'exemple de la cynophagie qui a été interdite dans les années 20 en France. La cynophagie, la consommation de chiens. Jusque dans les années 20, il y avait des boucheries, de même qu'il y avait les boucheries chevalines spécialisées dans le cheval, il y avait des boucheries spécialisées dans le chien. Alors, il y avait les chiens de compagnie qu'on aime, etc. Et les autres, c'est pas pareil, c'est les chiens pour manger. En France, et jusqu'en 45, en Allemagne, par exemple. Bon, et du coup, la consommation de chiens a été abolie, de fait. Et du coup, aujourd'hui, même dans les années 70, avant qu'il y ait un mouvement animaliste, ça aurait paru incongru de manger du chien. Il y a eu à l'occasion des JO de Séoul, il y a eu des reportages sur des gens qui mangeaient du chien en Corée, puis on disait quelle horreur. Alors qu'il n'y a pas eu de débat sur le bien fondé de la consommation de chien. La loi a interdit, du coup, les gens ne le font plus et ça leur paraît une ou deux générations plus tard, ou même moins, absurde, enfin bizarre. Dégueulasse. Alors, quels moyens employer pour arriver à ces changements à un échelon collectif? Au niveau de la culture, il y a ce dont j'ai déjà parlé, c'est promouvoir des analyses politiques qui sont divergentes de la culture commune actuelle, de la culture dominante, de la culture spéciste. C'est promouvoir des idées qui sont nouvelles et qui sont subversives sur ces questions-là. C'est la notion d'égalité animale, par exemple. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on parle d'égalité animale, que les gens adhèrent ou non à l'idée, ça déplace la perception qu'on a de la question animale. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des gens qui se posent réellement la question de l'égalité, par exemple de prendre en compte les intérêts d'un rat et ceux d'un humain de façon égale. Ça a des répercussions, je pense, profondes sur la façon de percevoir la question animale de chacun. La notion de spécisme, à mon avis, est une notion qui a des répercussions très fortes aussi en termes de changer la perception qu'on a des rapports humains-animaux. Ce sont des termes là qui changent aussi d'une certaine façon notre rapport à la morale et à la politique. C'est-à-dire que la notion d'égalité ou les notions de justice, si on les applique à la question animale, font bouger la cartographie mentale qu'on a, par exemple, de la notion de morale, de la notion de politique, qui sont des notions qui, dans la morale commune, excluent la question animale. Si on utilise les mots d'égalité ou de justice en parlant des animaux, on fait bouger toute une cartographie. Je ne sais pas, tout un assemblage mental, quoi. Et ça... Il faut que je redis ce que je disais ou... Je ne faisais pas gaffe. Là, je parlais de la cartographie mentale, mais je disais que l'usage de certains termes a des implications a des conséquences un peu en cascade sur comment nos représentations mentales s'agencent, s'articulent et peuvent avoir des répercussions qui sont très larges. Je disais, la notion de spécisme, par exemple, c'est une notion qui bouscule énormément notre vision de nos rapports aux autres animaux comme des rapports naturels d'exploitation, puisque la notion de spécisme, c'est un mot qui est calqué sur les mots racisme et sexisme, donc ça introduit une dimension qui est sociale, politique, historique, etc., qui fait bouger pas mal de choses. Disait utiliser des termes qui sont liés à l'exigence de justice, comme la notion d'égalité, la notion de justice, etc. À propos des animaux, c'est quelque chose qui fait bouger aussi nos cartes mentales, au sens où les notions de morale et de politique dans l'idéologie dominante sont exclusives de la question animale, c'est-à-dire ne concernent pas la question animale. Or, utiliser ces termes-là à propos des animaux, c'est briser... briser un tabou d'une certaine façon, et c'est faire rentrer la question animale, lui permettre de faire éruption dans le champ de la question sociale, etc. Alors ça, c'est un impact qui est aussi bien à un niveau individuel qu'à un niveau social général. et intervenir, par exemple, publiquement, en parlant d'égalité animale, c'est quelque chose qui a un impact, je pense, très fort sur les représentations de la société tout entière. Voilà. Donc ça, c'est des modes d'intervention au niveau de la culture. J'y reviendrai un peu plus tard sur un point un peu particulier. Je pense que le fait d'essayer d'intervenir à l'échelon collectif, ça change les façons d'intervenir aussi, parce que les objectifs ne sont plus les mêmes. Pierre, dans son exposé, quand il parlait de l'appel à la vertu, il disait l'appel appeler les gens qu'on rencontre à être vertueux, à devenir végétarien, etc., c'est-à-dire s'adresser à eux individuellement, ça pousse à essayer soit de paraître beau, gentil, etc., et ça pousse à utiliser tel ou tel type d'argument, un peu des sortes d'appât ou de... Voilà, oui. Des arguments gentils, marketing, etc. quoi. Si on veut par contre agir à l'échelle collective en modifiant la culture d'une société, c'est pas sûr du tout que ces types d'approches soient des types d'approches qui sont efficaces. Et là, enfin, on rejoint le débat que souhaitait notre camarade de Vegg-Lorraine hier, qui était plus juste effleuré, mais sur les modes d'action choc, etc. Il n'est pas sûr que les modes d'action qui vont choquer n'aient pas un impact global, collectif, bien plus important que des modes d'action passe-partout, consensuels, etc. Par exemple, un certain nombre de mouvements politiques ou sociaux des décennies précédentes ont été des mouvements qui se sont fait connaître justement par des modes d'action extrêmement offensifs, extrêmement dissensuels, et sont des mouvements sociaux qui ont été extrêmement efficaces, qui ont, en un laps de temps extrêmement faible, changé la donne d'une façon qui paraissait invraisemblable. Je pense au mouvement féministe, par exemple, qui utilisait des modes d'action et qui avait des revendications qui étaient totalement dissensuelles, et qui, en l'espace d'une décennie, a changé la donne d'une façon qu'on peut espérer être... qui ne reviendra jamais en arrière, quoi. Irréversible, voilà. Il y a un autre type de mouvement qui est connu pour ça, c'est par exemple ACT UP. ACT UP qui se donnait pour but de visibiliser l'impact qu'avait l'épidémie de sida et le fait qu'il y avait une totale absence de prise en compte par les politiques publiques, et qui visait donc à faire scandale sur cette question-là et à obliger les pouvoirs publics de prendre en compte cette épidémie, à prendre des mesures par rapport à elle, de prévention et de... Et ACT UP qui a fait des actions qui étaient au départ extrêmement choquantes, extrêmement dissensuelles, et qui a eu un impact qui a été immédiat. Un exemple des méthodes d'ACT UP ? Maintenant, ça paraît plus choquant, justement. Mais je ne sais pas, à un moment... Il y a eu des die-in massifs. C'est-à-dire qu'ils se posaient et ils se faisaient les morts, pour signifier le fait que c'était une épidémie qui faisait plein de morts dans la société et dont personne ne parlait, et qui était dans l'indifférence des pouvoirs publics. Et il y a eu aussi des actions... moi, je me rappelle, à un moment donné, il y a eu un condom géant, donc un préservatif géant qui a été mis sur la colonne Vendôme. Non, ce n'est pas la colonne Vendôme, c'est l'obélisque, hein, c'est ça ? Oui, la colonne Vendôme a été enlevée pendant la Commune de Paris. mais ça avait fait à la fois scandale et à la fois, on dirait, un buzz aujourd'hui. Mais en tout cas, des méthodes d'action qui pouvaient choquer. Il y a eu les kiss-in, par exemple, du mouvement homo. Des hommes et des femmes qui s'embrassent entre hommes, entre femmes, etc., ont été des actions qui, en leur temps, ont été extrêmement dissensuelles La presse était unanime pour dénoncer ces horreurs, ces obscénités en public, etc. Mais bon, 10 ans plus tard, plus personne trouvait ça. Enfin, si, l'extrême droite et les catholiques ultra continuaient peut-être à être révulsés, mais globalement, c'était passé dans les mœurs. Donc le débat sur les méthodes d'action se pose complètement différemment quand on approche, quand on abandonne ce qu'on a appelé précédemment l'approche végétariste pour aborder une approche à l'échelon collectif. On n'est plus du tout dans les mêmes types de problématiques. C'est pareil, les débats, essayer d'avoir une... il n'est pas sûr du tout que essayer d'avoir donc ce qu'on pourrait appeler une approche publicitaire de la question de la viande, c'est-à-dire ben essayer de porter beau, essayer de promouvoir le végétarisme attractif, rendre le végétarisme attractif, etc., soit une approche qui porte ses fruits à un niveau global, à un niveau collectif, à un niveau politique, à un niveau sociétal. Il n'est pas sûr que à ce niveau-là, il soit pas plus intéressant. De choquer par rapport à la condition animale ou de mettre en avant toute la répression qui est faite des végétariens et de leur discours, enfin, ce qu'on a appelé la végéphobie, c'est-à-dire de visibiliser le fait qu'il y a une résistance sociale très forte sur ces questions-là, justement pour que cette résistance sociale très forte ne puisse plus s'exercer avec l'innocence avec laquelle elle s'exerce à l'heure actuelle, qu'elle soit pointable du droit, qu'elle soit pointable du doigt et qu'elle soit dénonçable, par exemple. De la même façon, plutôt que de contourner les tabous, et là je pense par exemple au tabou qui porte sur la viande, qui est de fait un tabou qui commence à s'effriter, mais qui est un tabou qui, il y a encore 10 ans, paraissait complètement inamovible, complètement inattaquable, plutôt que de le contourner, comme énormément de végétariens le faisaient, l'attaquer frontalement, et c'est ce que fait le mouvement pour l'abolition de la viande, par exemple, il est plausible que ça ait un effet très fort au niveau de la culture générale de notre société. De façon générale, comment est-ce qu'on attaque les tabous ? Eh ben, en étant subversif, c'est-à-dire en les contestant. Ce qui fait tenir les tabous, c'est justement l'interdit de les contester, l'interdit de les remettre en question, et le simple fait de les remettre en question au niveau verbal, c'est en soi les affaiblir, quoi. Donc en fait, les tabous sont au final extrêmement fragiles. Ça, ils tiennent par une sorte de crainte qui génère, quoi. Mais le roi est nu, quoi. Il suffit de le dire. Ensuite, pour ce qui est de changer progressivement les lois et les institutions, donc là je quitte à nouveau le domaine de la culture. La culture commune. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus ? Attends. Mm-hmm. Ah oui, c'est des types d'actions. Qu'on fait trop peu, justement, mais c'est essayer d'avoir des actions publiques qui aient pour objectif de changer le statut des animaux, par exemple le statut juridique des animaux. Alors donc il y a des juristes qui travaillent là-dessus, qui commencent à exercer progressivement une action à cette fin, mais qui sont très peu relayés par le mouvement animaliste, c'est-à-dire qu'ils ont une visibilité qui est très faible, alors qu'en fait il y a un enjeu qui est fort, c'est promouvoir des C'est ce qui se fait là depuis quelques années, bah des actions comme les Journées sans viande. C'est promouvoir des réformes un peu à tous les niveaux possibles et imaginables. Ça peut être essayer d'agir pour qu'il y ait des taxations sur des produits, sur des pratiques, ou pour qu'il y ait des arrêts de subventions, pour qu'il y ait des restructurations, que ce soit au niveau économique ou à des niveaux d'institutions. Enfin, je sais pas, moi, à un moment donné, il y avait des gens, il semble que ce soit pas nécessairement une bonne idée, mais qui essayaient de faire pression pour qu'il y ait un conseil, un sous-secrétariat ou un secrétariat à la question animale qui soit créé au sein du gouvernement, par exemple. Il semblerait que ce soit en fait finalement à un niveau pratique une très mauvaise idée, mais par exemple c'est un type de revendication qui peut avoir une portée symbolique forte, quoi, etc. Ça peut être des luttes pour qu'il y ait un changement des règles de l'OMC, par exemple. Là, je vous cite plein de choses un peu pêle-mêle, mais ce sont des exemples en fait. Les règles de l'OMC, il faut savoir qu'au niveau mondial, l'Organisation mondiale du commerce a un certain nombre de règles qui rendent extrêmement difficile le fait qu'un pays, dans son coin, adopte des réglementations de protection animale pour tout ce qui touche à l'économie, parce que ce sont des règles qui... Parce que ces lois de protection animale risqueraient de tomber sous le coup de la prohibition de... Je trouve pas les termes, mais... Oui, voilà, contraire au libre-échange, c'est-à-dire serait condamné comme étant permettant un prohibitionnisme. Par exemple, l'Autriche passe des lois qui interdisent les élevages en batterie. Si l'Autriche veut interdire l'importation d'œufs en batterie, sous prétexte de protection animale, elle risque de se heurter à l'OMC. Oui, il y a un numéro spécial des cahiers antispécistes sur cette question-là. Parce que l'OMC combat des distorsions aux échanges internationaux. Mais si les producteurs nationaux sont taxés au même titre, interdit au même titre que les étrangers. Alors peut-être mon exemple n'est pas très bon, mais il me semble. Okay. Mais est-ce que c'est réel ou c'est juste un prétexte? Je ne sais pas comment ils font. Je ne sais pas comment... Mais là, ce que je propose, c'est qu'on ne s'attende pas là-dessus. On pourra en discuter à un autre moment. Mais moi, je citais cet exemple-là des règles de l'OMC uniquement pour dire que, à un moment donné, si on veut changer la donne au niveau des sociétés, on va avoir à se coltiner avec ce genre de combat. C'était ça, ce que je voulais dire. Et c'était pour citer des exemples de combats qu'il y a à mener au niveau des institutions. et avec lesquels en fait on va pas pouvoir éternellement enfin qu'on va pas pouvoir omettre éternellement quoi. Il va falloir à un moment donné se coltiner avec ça quoi. Un autre exemple de combat qui est nécessaire de mener à un niveau collectif, à un niveau social général, l'exemple en est donné avec les décrets cantines, les décrets arrêtés qu'a passé le gouvernement en septembre 2011, qui, sous le prétexte d'imposer des normes nutritionnelles dans l'ensemble de la restauration collective en France, qui impose globalement de manger de la viande plusieurs fois par semaine dans l'ensemble de la restauration scolaire. Ça va passer à l'ensemble de la restauration des hôpitaux, des prisons, des mines, qui globalement sont des arrêtés et des décrets qui empêchent les gens d'être végétariens. Donc ça, c'est en fait, en un tournement, l'État a imposé que des milliards de repas qui sont servis chaque année contiennent de la viande ou des produits animaux comme les produits laitiers ou les œufs, dans des quantités faramineuses en fait, qui sont largement au-dessus des quantités par exemple qui seraient des quantités de salubrité, de santé publique. Bon, ce que je veux dire par là, c'est que là on ne peut pas éviter de situer notre militantisme, notre engagement à un niveau social, politique, global, puisque en deux temps, trois mouvements, un gouvernement a envoyé bouler le travail de décennies de militantisme végétariste. C'est-à-dire que tout le travail fait pour avoir des cantines végétariennes, la possibilité de manger végétarien dans les cantines a été foutu en l'air. Tout le travail qui a été fait par les associations et les militants depuis des décennies pour essayer de donner un semblant de respectabilité au régime végétarien a été foutu en l'air parce que, par le fait même qu'il est interdit par les normes nutritionnelles d'État, il y a un avis d'État disant, le renvoyant à quelque chose de pathologique et de pas bon pour la santé, etc. C'est-à-dire que là, on voit mal qu'on peut pas faire l'impasse sur ce côté collectif, quoi. Ces décrets arrêtés, il y a un enjeu phénoménal qui est aussi bien de type culturel que de type pratique. Je parle de milliards de repas qui sont servis chaque année en France. Il y a par exemple, je crois, 6 millions d'écoliers qui mangent à la cantine, mais il y a je ne sais pas combien de millions de gens qui mangent dans les restaurants d'entreprise, dans les prisons, etc., etc., dans les hôpitaux qui sont concernés. C'est une production, enfin c'est un enjeu énorme en termes d'exploitation animale. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement sous-évalué dans le mouvement animaliste et dans les mouvements végétariens, véganes, etc. C'est-à-dire que le nombre d'associations et d'individus qui se sont insurgés par rapport à ça et qui se sont mis à militer concrètement par rapport à ça est resté dramatiquement faible. Alors que, et ça je pense que c'est dû en partie au fait qu'on a dans la tête une idée de changer le monde par la voie, par l'appel à la vertu dont parlait Pierre, et non pas par la voie sociale, politique, collective, quoi. Un autre exemple là par rapport à ça, changer les institutions, c'est là que je trouve intéressant, c'est les actions Monoprix de L214. Là hier, il y a un copain qui est peut-être là, je sais pas, qui disait oui, mais le message qui est donné par L214 dans ces actions là, c'est un message qui est un peu gênant, etc. Alors, tout le monde connaît sûrement pas ces actions là. C'est depuis un an, un peu moins d'un an. L214 a engagé un bras de fer avec les enseignes Monoprix en leur demandant de retirer les œufs en batterie de leur rayon. Et pour ce faire, on demande à ce qu'il y a des actions qui sont organisées au niveau local de façon répétée, constante, régulière, où les militants demandent aux passants de signer des cartes qui vont ensuite être envoyés à la direction locale de Monoprix et avec copie aux directions nationales, des cartes qui demandent simplement que les œufs de poulet en batterie n'aient plus droit de cité dans les rayons de Monoprix. Quoi. Et en fait, dans le milieu animaliste, dans le milieu végétarien, vegan, etc., il y a eu des critiques constantes de ce type d'action parce que le message qui est délivré aux passants est un message qui dit simplement que les œufs en batterie, c'est caca, c'est pas bien à cause de la souffrance animale, etc., mais qu'il n'y a pas une critique globale de l'exploitation animale et notamment de la production d'œufs à travers les autres types de modes de production, c'est-à-dire les œufs produits en élevage au sol, en élevage plein air, en élevage bio, etc. Et c'est devenu... Il y a une focalisation sur cette question-là, alors qu'en fait, l'enjeu et le but, l'objectif des actions Monoprix de L214 n'est pas de faire l'éducation du public qui passe dans la rue à ce moment-là. L'enjeu, il est de faire plier Monoprix sur cette question-là. C'est-à-dire qu'il est d'obtenir qu'une première enseigne qui n'a pas été choisie au hasard, Monoprix, c'est parce que ça s'adresse aux bobos, parce qu'ils ont un discours sur une alimentation responsable, éthique, etc. C'est parce qu'ils ont les moyens financiers de se permettre ce changement-là. Donc l'action Monoprix de L214, c'est une action qui vise à faire plier une première enseigne dans l'optique ensuite de faire plier les autres en cascade, par effet de tremplin. C'est-à-dire qu'une fois qu'on en a fait plier une, on est en position de force, on a montré qu'on pouvait en faire plier une, on risque d'obtenir beaucoup plus facilement de la part des autres enseignes, d'autant plus que du coup, elles ont la concurrence d'une enseigne qui se pose comme préférable, etc., etc. C'est d'acquérir une puissance face à la grande distribution pour ensuite pouvoir l'utiliser dans d'autres domaines que les œufs en batterie. Et ça peut être, je ne sais pas, moi aussi bien les lapins, la production de viande de lapin que, je ne sais pas, moi les homards vivants. Enfin, tout est possible. Mais l'optique de L214 n'est absolument pas d'éduquer les gens qui passent dans la rue. Tant mieux s'il y a une éducation, s'il y a une sensibilisation qui est faite par ce biais-là, mais l'objet, c'est d'avoir le maximum de signatures pour faire le maximum de pression sur Monoprix, etc. Et ce qui est phénoménal, c'est qu'en fait, systématiquement, les militants posent la question du message qui est adressé aux gens. C'est-à-dire que ces actions-là ne sont jamais perçues spontanément comme des actions politiques visant à établir un rapport de force avec un acteur de l'agro-business, c'est-à-dire de l'exploitation animale, visant à le faire plier, mais sont systématiquement vues comme des actions d'éducation, c'est-à-dire des actions visant à s'adresser aux individus pour leur faire changer leur comportement individuel. Et on a même... notre intervention d'aujourd'hui, on l'a proposé aux estivales parce qu'on avait décidé, Pierre et moi, de faire une brochure qui malheureusement n'est pas finie, ça aurait été bien qu'on la diffuse, mais sur ce dont on parle maintenant, suite à des discussions qu'on a eues sur Internet sur ces questions-là, parce que on s'est aperçu qu'on avait beau expliquer ça, par rapport aux actions Monoprix, les discussions qui continuaient sur les blogs continuaient de porter exclusivement sur le caractère vegan ou pas vegan, radical ou pas radical, du message dispensé aux passants. C'est-à-dire qu'il y avait une incapacité à prendre en compte le volet collectif, qui était pourtant le volet massivement important du truc. La discussion était beaucoup orientée sur l'opposition réformisme contre abolitionnisme. Et pas du tout entre échelon collectif et échelon individuel. C'est pour ça que j'ai introduit les notions d'exigence de justice, appel à la vertu, pour essayer de sortir de réformisme contre abolitionnisme et proposer une autre grille de lecture. Et ce qui nous a effaré, ça a été vraiment l'impossibilité pour nous de faire passer ce message-là, c'est-à-dire l'incapacité en face à le prendre en compte. Et moi, à un moment donné, je me disais, mais en fait, les gens sont myopes, ils ne voient pas les choses. Et à un moment donné, on s'est dit, c'est pas que les gens sont myopes, c'est qu'ils sont dans une idéologie qui les aveugle. Et cette idéologie, c'est cette idéologie qu'on critique ici, c'est l'idéologie végétariste, c'est l'idéologie de l'appel à la vertu, c'est l'idéologie qui veut que notre action par rapport à la question animale, elle va passer par le fait de s'adresser aux individus pour les amener à changer individuellement de comportement. On l'a appelé végétariste pour faire court, mais c'est ce qu'on pourrait appeler aussi bien une idéologie végétaliste pour les gens qui mettent l'accent sur le végétalisme, ou l'idéologie véganiste, c'est-à-dire qui cherche à rendre les gens véganes. Mais globalement, et là il ne s'agit pas de critiquer le fait d'être soi-même végétarien ou végan, je pense qu'on est majoritairement végétarien ou végan là dans la salle, mais il s'agit de critiquer l'idéologie où tout passe par ce petit bout de la lorgnette, à tel point que d'autres types d'actions, que d'autres types d'interventions, et notamment les types d'interventions à échelon collectif, ne sont plus visibles, ne sont plus audibles, ne sont plus repérables. Même quand elles ont lieu, elles sont perçues comme des... Les actions Monoprix sont vues comme des sortes de stands d'informations sur les œufs. Oui, voilà. Les actions Monoprix... Je parle de la façon dont elles sont perçues par les militants eux-mêmes. Elles sont perçues comme des actions de conscientisation des passants. Ce qu'elles ne sont pas, ou ce qu'elles ne sont que de façon anecdotique. D'accord, ouais, ouais. Mais c'est-à-dire, en fait, le discours anti-eux en batterie, ciblé sur les eux en batterie, il est destiné à faire en sorte que le maximum de passants signe la carte. Pour faire le maximum de pression. Ouais. Ouais. Non, mais il y a des gens qui travaillent. Ce que je veux dire, c'est que c'est un travail qui est extrêmement important et que ce travail, par exemple, n'est pas du tout relayé, soutenu au sein du mouvement animaliste. Parce qu'il y a toujours cette focalisation sur la stratégie que nous on a appelée végétariste, qui est la stratégie individuelle, à l'échelon individuel. Quoi. Et c'est la même chose avec la question des décrets dont je parlais. C'est le gros problème, c'est qu'il y a un enjeu majeur, oui, en plus il y a un enjeu dont je n'ai pas parlé, mais qui est un enjeu pour l'avenir du mouvement animaliste en France, hein, qui est notamment le fait qu'il y a énormément de gens qui développent une conscience par rapport à la question animale quand ils sont très jeunes, quand ils ont 4 ans ou 6 ans ou 8 ans ou 10 ans ou 12 ans et qui veulent refuser de manger de la viande à cet âge-là, qui se heurtent déjà à la répression dans les familles, mais qui là en plus vont se heurter d'une façon vraiment institutionnelle inscrite dans la loi à la répression dans les écoles, dans les cantines scolaires, etc. D'une façon qui est verrouillée, c'est-à-dire qui ne pourra pas changer. Et ça veut dire que toutes les générations à venir de jeunes vont se voir interdits de changer leur pratique, de les mettre en accord avec leurs idées, et donc risque fort, c'est ce qui s'est produit pour beaucoup d'entre nous, d'oublier en fait leurs idées par nécessité de confort mental, quoi. et donc de renier leur leur engagement animaliste, quoi, enfin de l'oublier, quoi. J'avais lu quelque part, je me souviens plus de la référence, mais que ça jouait un grand moteur de changement des adolescents, enfin, un élément qui les pousse beaucoup à changer, à devenir végétarien ou vegan, c'est qu'il y ait des menus végétariens dans leur cantine. Et que du coup, les lobbies de la viande, ils poussent vachement pour que ça n'arrive jamais. Et c'était aux États-Unis. Et donc, oui, donc, par exemple, oui, c'est un exemple de lutter contre les décrets sur les cantines ou demander à ce qu'on puisse manger végétarien dans les cantines, ça permettrait à un très grand nombre de collégiens, de lycéens de devenir végétariens, un nombre beaucoup plus grand que tous ceux qu'on pourrait convaincre en allant les voir, en leur donnant des tracts. En fait, le lundi végétarien. Ah voilà, c'est ce que préciser, ça va être un peu déjà une campagne qui est dans ce sens-là, et qui est un peu interactive, mais on va dire. Tout le matériel pour les cuisiniers, tout le matériel pour argumenter les maires ou les personnes décisionnaires. Voilà, ben ça c'est fou. En fait, vous voyez pas bien parce que vous êtes devant, mais il y a vraiment la main, il n'y a pas de représentation. Moi, je propose qu'on finisse la présentation, je vais essayer de faire un peu plus court. Ce que je voulais dire, c'est, par exemple, la revendication d'abolition de la viande, rétrospectivement, moi, je suis atterré de voir qu'on ait mis tant de temps à formuler cette revendication. C'est-à-dire que ça fait des décennies qu'il y a des gens qui militent de façon concrète pour que les gens cessent de manger de la viande. Clairement en pensant que c'est pas seulement eux, ils ont cessé de manger de la viande, mais c'est pas seulement parce qu'ils trouvent que pour eux c'est pas bien, mais ils trouvent qu'il faudrait que tout le monde cesse de manger de la viande, et qu'on n'a pas réussi avant, finalement il y a très peu de temps, à formuler explicitement une revendication d'abolition de la viande qui quelque part, rétrospectivement, paraît aller de soi, et on a du mal à comprendre comment on n'a pas eu cette idée. Bon, en fait, je pense que ça s'explique par vraiment les effets de la répression sociale qu'on s'est pris dans la gueule, la répression sociale en tant que végétarien, le fait qu'on est sans cesse, c'est sans cesse censé être une question personnelle, on est sans cesse renvoyé à une question personnelle, et justement, il y a une sorte d'interdit à analyser la question, cette question-là comme une question d'exigence de justice. Mais alors, ce que je voulais dire, c'est que cette revendication d'abolition de la viande, je pense qu'elle a un impact très fort aussi au niveau culturel, en ce que l'idée même d'abolition de la viande, c'est une idée qui casse l'idée que la consommation de viande ressortirait de la sphère privée, de la sphère individuelle et de décisions individuelles. C'est une idée qui d'emblée pose... le fait que ça doit s'imposer à tout le monde, ça concerne l'ensemble de la société, c'est une décision qui doit être prise par la société et concernant tout le monde, quoi. Enfin, que ça tombe sous un régime de morale qui s'impose à tout le monde, quoi. Je ne sais pas comment l'amener, mais je voulais parler de discussions qui ont eu lieu récemment sur, pareil sur Internet, mais qui portent sur des tracts et qui portaient sur le fait de parler du végétarisme ou du véganisme dans les tracts, c'est-à-dire de faire la promotion du végétarisme ou du véganisme. Et ces tracts, par exemple, pendant longtemps, ont fait la promotion du végétarisme ou du véganisme. Les tracts du réseau antispéciste, pourquoi refuser de manger de la viande, etc. Les formulations même sont des formulations où on s'adresse aux individus auxquels ces tracts sont destinés. Maintenant, depuis quelques années, ce sont des tracts qui parlent clairement d'abolition, de la nécessité de lutter pour l'abolition de la viande. Et puis bon, comme c'est des tracts antispécistes qui parlent aussi de la nécessité de lutter contre le spécisme et pour l'égalité animale. Mais là, il y a eu des discussions sur Internet qui portaient sur l'idée même de cesser de faire des tracts qui parlent de devenir végétarien ou vegan pour ne plus parler que des revendications à l'échelon collectif, revendications d'abolition de la viande, notamment, en partant du principe que le fait de devenir végétarien ou végétalien était évidemment une conséquence logique. Si on considère, mais ensuite, bon, bah, les gens font bien ce qu'ils veulent avec, mais qu'il n'y avait pas, même pas besoin de rendre explicite ce message-là. Quoi. Que ça allait de soi, oui. Comme par exemple, les blancs antiracistes qui luttaient pour les droits civiques, on n'allait pas leur demander est-ce que vous crachez sur les noirs dans la rue, je sais pas quoi. Enfin, leur comportement ça allait de soi qu'ils n'étaient pas racistes dans leur vie privée. Oui. Et l'intérêt de faire ça, c'est que du coup, il n'y a pas le risque que le focus mis sur les pratiques concrètes individuelles invisibilise l'aspect collectif. Si on ne parle que de l'aspect collectif, il ne peut plus être invisibilisé, quoi. Disons l'aspect politique. Alors qu'un tract qui va mettre l'accent sur le fait qu'il faut que les gens changent leur comportement individuel, eh ben, de fait, il y a cet effet dont je parlais là, qu'il y a un aveuglement et qu'on ne va plus voir que ça et qu'on va zapper le côté engagement collectif, politique. Quoi. Et là, moi, j'avais noté un truc que j'avais bien aimé. Quand il y a eu une manif, une action qui a été organisée à Paris où il y a eu 50 personnes qui présentaient des corps d'animaux morts. Donc c'était à but médiatique. C'était pour dénoncer l'exploitation animale. Je ne sais plus quel était le mot d'ordre. C'était l'abolition de la viande, je crois. Mais en tout cas, le texte qui était lu, c'était un texte que je vais essayer de retrouver, qui parlait du fait de cesser de manger. Non. Tous sensibles. C'était ça. Ah, c'était tous sensibles, ouais. Alors attends, j'ai bien aimé le texte. C'est le texte qui a été lu donc à l'occasion de cette action concluait, c'était la conclusion du texte. Nous n'avons pas besoin de prendre la chair, le lait ou les œufs des animaux pour satisfaire nos besoins alimentaires. Ensemble, faisons que cela cesse. Donc un appel à l'action collective. Il est temps d'évoluer vers une société moins violente. Stoppons l'élevage et la pêche. C'est-à-dire que là, les conclusions, on n'est plus dans un appel. Il n'est même pas mentionné. On dit effectivement que nous, individus, on n'a pas besoin de manger de la viande, mais il n'y a même plus l'appel à ce que chacun cesse de manger de la viande. L'appel, il est à agir ensemble, collectivement, pour stopper l'élevage et la pêche. Il est temps d'évoluer vers une société moins violente. Quoi. Pour moi, là, c'est vraiment un type de texte que je trouve vraiment intéressant parce que il évite cette focalisation, cet aveuglement sur la restriction à l'appel à la vertu, à l'échelon individuel, etc. Enfin, bon, je vais passer un peu rapidement parce que je crois que ça dure trop longtemps. Je voulais dire que si on veut agir à l'échelle collective, à l'échelle de la société, il y a à se poser la question aussi des alliés. Des alliés qu'on va essayer de trouver et de comment développer des alliances. C'est-à-dire la question des stratégies politiques. Et à l'heure actuelle, le mouvement animaliste, c'est un mouvement qui est extrêmement isolé. Il est isolé du mouvement écolo parce que le mouvement écolo, on n'a rien à foutre des individus animaux. Il s'intéresse aux espèces. Il s'intéresse à l'évolution. Oui, oui, oui, tout à fait. Non, mais je parlais du mouvement en tant que mouvement, quoi. Il est isolé des mouvements politiques progressistes, des mouvements qui se revendiquent des notions d'égalité, de justice, ou même des notions de solidarité, de lutte contre les discriminations, etc. Ce sont des mouvements dont on pourrait penser qui pourrait avoir développé une solidarité ou des types d'alliances avec le mouvement, avec au moins la partie du mouvement animaliste qui dit vouloir lutter contre les discriminations, pour l'égalité, etc. Or, ça n'est pas du tout le cas. Etc. Et je pense qu'à ce niveau-là, il faut essayer d'agir pour désenclaver le mouvement animaliste. C'est-à-dire que dans l'idéologie commune, la question animale est une question à part. C'est une question qui est ressortie d'un traitement différentiel, d'un traitement à part. Et qu'il y a un enjeu très fort à changer les représentations d'une certaine façon, mais pour faire que la question animale cesse d'être une question spécifique, une question particularisée. Et par exemple, on parle d'éthique animale, mais en fait quand on regarde l'éthique animale, c'est pas du tout une éthique à part, c'est les mêmes exigences de justice et d'égalité que l'éthique humaine. Il n'y a strictement aucune raison de parler d'éthique animale. C'est l'éthique, point. On parle d'égalité animale, enfin en tout cas pour les partisans comme moi de l'égalité, mais en fait, il s'agit simplement que de l'application de la notion d'égalité. La notion d'égalité purement humaine est en fait une notion d'inégalité. C'est une notion d'égalité qui s'arrête à une discrimination arbitraire, qui est la notion d'espèce. Or, une égalité qui s'arrête à une discrimination arbitraire est une inégalité. Donc on n'a pas à parler d'égalité animale, on a à parler d'égalité. Je ne sais pas encore, enfin il y a plein de domaines comme ça où je pense qu'on a à opérer à nous-mêmes, cesser de nous définir de façon particulariste et restrictive. Par exemple, se constituer non pas en collectif pour l'égalité animale, mais en collectif pour l'égalité. Revendiquer l'universalisme, par exemple. À l'heure actuelle, c'est l'humanisme qui se revendique comme étant un universalisme. Mais ce n'est pas un universalisme, c'est un chauvinisme, c'est un particularisme. C'est à nous de reprendre l'offensive et à revendiquer que c'est nous qui sommes les représentants de l'universalisme. Voilà, c'est ça. Exactement. Les plantes? Oui. Oui. Oui, c'est sûr qu'il y a des fronts de lutte différents. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'à ce niveau-là, il se pose la question des alliances. Et à l'heure actuelle, on est cantonné. C'est pas de notre fait, mais il faut qu'on cesse de cautionner ce fait-là. On est cantonné à une politique de ghetto, d'une certaine façon. On se donne pas les coups des franches. On est entravé par la façon même dont on est dénommé de l'extérieur et par la façon même dont on se définit. Et cet exemple de parler d'éthique au lieu d'éthique animale, de parler d'égalité au lieu d'égalité animale, de revendiquer la notion de justice, de revendiquer la notion d'universalisme ou d'universalité, je pense que c'est des choses auxquelles on ne pense pas spontanément parce qu'on a intégré une sorte de particularisme imposé par l'idéologie dominante et qu'il nous faut refuser. Et en fait, on a des difficultés à nouer des alliances parce que notre environnement nous perçoit comme des gens ayant des idées particulières, spécialisés dans un domaine. Voilà, on est spécialisé dans un domaine. Au lieu de voir la question animale comme une question qui est au contraire la question universelle qui englobe la question humaine, on voit la question animale comme une sorte de sous-catégorie des questions morales, des questions politiques, etc. Quand on daigne la voir comme une question morale, comme une question politique. Et ça, je pense qu'il y a un enjeu au niveau sociétal fondamental à briser cet encerclement, à briser cette camisole particulariste, et à renverser la charge en disant c'est l'humanisme qui est un particularisme, qui est un communautarisme, qui est un chauvinisme, etc. Et ça, une fois ce travail fait, ou en tout cas ce travail en cours, ça sera bien plus simple de s'allier avec des mouvements avec lesquels, à l'heure actuelle, ça paraît complètement impossible. Je pense, je ne sais pas, moi, le mouvement, les Ligues des droits de l'homme, sont des ligues qui se battent avec une exigence de justice, qui se battent au nom d'une morale universaliste, au nom de la notion d'égalité, contre les discriminations, etc. À l'heure actuelle, l'encerclement dont on est victime nous empêche d'opérer ces alliances-là. Je pense que pouvoir opérer ces alliances, c'est un but extrêmement important qu'il nous faut nous fixer. Qu'est-ce que je voyais d'autre comme alliance ? C'était... Oui, avec les milieux progressistes, etc. Enfin bon, à d'autres niveaux, bon, c'est essayer de tisser des alliances. Alors, ça, c'est pas dans les mêmes domaines, mais ça peut être aussi bien avec le milieu écolo qu'avec les milieux agriculteurs, ou même dans certains cas avec les milieux des éleveurs. Là, on a des. Ça vaut vraiment le coup d'essayer de tisser des passerelles. Par exemple, il y a de plus en plus d'éleveurs. On est loin du mouvement de masse, mais il y a de plus en plus d'éleveurs qui refusent d'envoyer leurs bêtes à l'abattoir et qui cessent de les faire tuer. Ouais. Ben, et ben par exemple, là, il y en a un qui est connu, c'est le domaine des douanes. Non, mais pour des raisons morales, pour des raisons... Oui, ils ont le droit, bien sûr. Non, ils ne les abattent plus, ils cessent de les tuer. Non, mais par exemple, alors, en France, on a l'exemple du domaine des douages. C'est une ancienne exploitation de brebis. C'est un élevage de 750 brebis. Et la chef d'exploitation a décidé, il y a 2 ans, de cesser de leur faire produire des petits, je crois. Je ne sais pas. Mais en tout cas, a cessé de les envoyer à l'abattoir. Alors, elle a des problèmes pour subsister au niveau économique, et elle vit des primes comme, de toute façon, l'ensemble de l'élevage en Europe. Mais elle a fait un appel à soutien. Il y a pas mal de militants animalistes qui soutiennent, etc., parce qu'il y a une valeur symbolique forte. Mais par exemple, dans ma région, moi, j'ai fait une intervention. Il y avait un colloque avec Jocelyne Porcher. Il y avait tout un parterre d'éleveurs, et j'ai fait une intervention sur l'abolition de la viande. Et Jocelyne Porcher a répondu déjà. Et le second l'éleveur qui a répondu ensuite, et un éleveur qui a pris la parole, qui a dit « Moi, ça fait 2 ans que je cesse d'envoyer mes bêtes à l'abattoir, que je cesse de les faire tuer. » Donc il a des brebis, voilà, il leur tond la laine sur le dos, mais c'est tout, quoi. Faire se reproduire des brebis dans un monde carnivore, c'est dangereux, quoi. Il me semble. Hein. Ah oui, mais. Ouais, bah bon. Non, mais bon, c'est pas le débat de maintenant, mais moi je trouve ça un peu irresponsable. Ah oui, oui, non, mais du coup mon exemple est pas très bon, mais bon. Bon, mais ceci dit, c'est anecdotique dans mon propos, mais je parlais des stratégies d'alliance, que y compris dans le monde des éleveurs, il doit y avoir des possibilités d'alliances visant à fragiliser le monde de l'élevage, par exemple, etc. Il y a un partenaire avec des économistes qui, parce que tu viens de parler du gouvernement, que l'élevage ne survit grâce aux subventions. Oui, bah oui. Les subventions viennent aussi de l'argent public. Ah oui, complètement. Ça dénonce l'aberration du système. Oui, mais c'est pour ça aussi qu'une action politique forte, c'est de demander l'arrêt des subventions à l'élevage, c'est la taxation des produits carnés et des produits issus de l'élevage, etc. C'est l'arrêt des subventions au fourrage, c'est l'arrêt des subventions... Ben là, moi, je suis en zone de montagne, je vois, si on prend un élevage de chèvres de 65 bêtes, on aura plus de 20 000 euros de primes diverses par an. Ouais. Non, d'accord. C'est un affaiblissement. C'est un affaiblissement. Ouais. Bon, c'est un affaiblissement, mais je veux dire, c'est une des voies de lutte qu'il nous faut considérer, quoi. Oui, mais à aucun moment je disais que ça allait abolir l'élevage. Ils auront moins d'argent. C'est le nerf de la guerre. C'est une taxe négative. Avec des protéines de synthèse. Ben, si elles étaient moins chères que la viande, ça aurait mauvais coup. Les gens. Après, dans les fusions de quoi. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, mais je vais conclure, je pense. Toi, tu veux conclure? Parce que j'ai l'impression que le débat a presque commencé. Ouais. Mais grosso modo, notre propos, c'est que je pense qu'il faut avoir conscience que à l'heure actuelle, ce qu'on a identifié comme stratégie végétariste, c'est quelque chose qui est omniprésent dans le mouvement animaliste. Et qui nous aveugle sur les autres formes nécessaires d'action pour changer les choses. Je pense qu'il nous faut essayer d'agir consciemment pour minorer l'impact de cette stratégie-là sur notre façon de concevoir la lutte, pour reprendre une liberté d'imagination. Et pas